Ça, je l'entendrai. Ça sera plus facile aussi. Ouais, ça c'est une... Je vais mettre de la musique et je vais faire le résumé. Comme ça, on pourra remplir la carte au fur et à mesure. Putain, faut que je m'en fous dans une autre carte. Je sais pas écrire. Non, mais nous, moi c'est pareil, on a fait le jeu avec Ethan. C'est pas du tout ça. Ça entraîne à être schizophrène. T'as plusieurs personnalités. Ça t'entraîne à gérer tes multiples. Ouais. Ça t'entraîne à gérer. Qu'est-ce que je peux mettre? Et je pars. Bon, ça peut être écrit au stylo sur la carte, non? Oui, tout à fait pour vous. Ah, c'est pour nous la carte? Tout à fait. Je vais faire un résumé un peu rapide parce que j'ai pas eu le temps de bien le lire. Ouais? Donc, si je vais se lancer. C'est du son, oui. Des motivations. Ouais. C'est bon? On se fait des persos et tout, c'est nickel. Donc vous êtes arrivé, j'ai mis vous êtes arrivé de part et d'autre, mais bon, je vous ai placé sur la map, on se le placera ça ensemble une autre fois, on aurait pu faire avant et discuter. Donc vous êtes retrouvé chez Dame Eliane, je l'ai mis sur la scène, pour vous loger, pour la célébration de l'hiver qui va avoir lieu à la ville de Yonkos. Donc la tempête avait couché la bergerie, etc. machin, vous avez fait les travaux pour y aller. Is, fils de bord, s'occupa des plans et de la gestion du chantier. Le résultat fut probant. Mais coûtait un peu plus cher que prévu. Donc t'es allé voir le forgeron, je fais court. T'es allé voir le forgeron, enfin pas le forgeron, excuse-moi, le bûcheron. L'ancien bûcheron qui vend le bois, qui lui est ici. Faire une croix et noter bûcheron. Il y en a un qui doit prendre des notes. De toute façon, sur le... je vous la mettrai après. Mais... Merde, il a dit où? La grosse. Là. Ça. Ouais, c'est ça. Je peux te mettre des numéros si tu veux. C'est pareil, ça vous va. Donc, c'est le vendeur de bois. Commerçant. Ah ouais, non, le vendeur de bois. T'as négocié pour emprunter l'achat, blabla, tout ça, tu t'en souviens. En échange d'aller faire des achats agricoles. Les achats agricoles ici. Là. Non, c'est la salle d'armes. Ouais, ouais, petite boutique. Donc, tu as eu le droit de l'emprunter pour la journée. Vous avez visité la ville en vous séparant pendant une heure. Et toi, tu as rencontré le forgeron. Attends, je vais prendre un crayon, c'est comme ça que je vais le caler. Qui est ici. Si tu ne savais pas. Il l'avait piqué. Et t'as qu'à une journée de travail dès le lendemain. Tu fabriquas toute la journée des clous, et impressionna la fureur des ténèbres, ça s'appelle l'orgure, devant la vitesse et la qualité d'exécution. Toute la journée fut passée à forger. Donc Kat, Laitan et Toriko, pardon. Quant à eux, elle a rencontré Phil, l'elfe arctier, très réputé pour ses flèches. Ici. Attends, pardon, excuse-moi. Ici. De tourner la carte, je voyais la rue principale, parce qu'en fait, le nord est un peu décalé, tu vois. L'entrée nord est vraiment nord, ouais. Phil l'artier. Laitan reste à une demi-heure à l'observer et à apprendre, tandis que Kat et Toriko retournèrent rejoindre Is pour procéder aux achats. Ils ramenèrent... oui, c'est vrai, vous êtes allé à la boutique. La boutique standard. La boutique à l'alcool ? Non, non. L'autre boutique, c'est où t'as piqué les silex. Non, c'était la boutique à l'alcool. Agricole. T'es sûr? Bah oui. Bref, l'autre boutique est là. C'est pas une boutique agricole. Il me semble que vous êtes allé. Ah non, non, non, oui, vous êtes retourné pour aller à la boutique agricole. C'est à ce moment-là que vous êtes allé. T'avais emprunté la charrette pour la boutique agricole et tu l'as fait. Donc c'est pas grave, note-le. C'est Damélienne qui m'a prêté la charrette. Note-le parce que vous passez devant à chaque fois que vous rentrez. Et d'ailleurs, dans l'ordre, on peut foutre aussi le tanneur. Et le tanneur et le boucher, excuse-moi, dans l'ordre. Le tanneur en haut. Ouais, tanneur en haut et boucher en dessous. Le boucher. Avec deuxième tanneur. Ouais. Vous avez ramené tous ensemble, voilà, vous avez profité du reste de la journée pour vous reposer. Enfin, sauf pas 10. Sauf, bon, hein. Sauf Boris. Ah oui. C'est pour ça que les numéros étaient une très bonne idée. Oui, mais c'est pas... Tu vas passer au numéro. T'as testé le... T'as mais testé c'est parce le... qu'il avait déjà mis des numéros. T'as testé le pouvoir de... Le... T'as testé Phil avec ton pouvoir, le pouvoir de ton nez. Ouais. Et t'as remarqué qu'il était mi-gris, mi-bleu, en fait, qu'il était neutre. Neutre moins, même. Ouais. Bon repos et un petit déjeuner matinal, 3h du matin. Et il se repartit en ville. Pendant que vous autres, vous alliez faire du déchargement. Oui, enfin, livraison et déchargement de... Alors voilà. Dites-le moi si j'ai pas résumé dans l'ordre, normalement c'est ce jour-là, c'est le deuxième jour. Ça. Et vous avez déplacé les sacs de... Non, machin. Ça c'était... Enfin, vous avez déchargé chez... On est partis tous ensemble le deuxième jour. Je suis parti avant. Si, si. Ouais, mais c'est... Le premier jour, t'es parti avant, t'allais forger et vous deviez faire les achats à la boutique. Donc, ah oui, le deuxième jour, on est parti. Le deuxième jour, vous êtes parti. Avec la charrette, avec la charrette et nous, on a fait le déchargement. Les sacs de blé à ramener. Oui. Et ça, c'était à la boutique standard, c'était pas la boutique agricole, c'est à ce moment-là que vous êtes allé dans la boutique standard. Oui. Non, les sacs de blé, on les a ramenés là où on a déchargé. Et bien, la boutique standard. C'est ça, les docks. Là où on a fait le déchargement et tout. C'est au même endroit. Non, c'est chez le grossiste, je vois. C'est le grossiste, oui. On a déposé le blé chez le grossiste. Ah, c'est, ah oui, c'était chez le grossiste, ouais, exact. Autant pour moi. Oui, puisque c'est lui que vous avez donné. Là, il est où, là, le panneau avec les annonces? Ah ouais, le panneau avec les annonces, c'est pas bête. C'est dans la taverne. Le bouclier brisé. Non, c'était à l'extérieur. Ah, attends, ah oui. Non, c'était à l'intérieur. Le bouclier brisé, juste à droite de la porte. Le bouclier brisé, il est là. Et le poussin jaune, il est là, je suis désolé, il y a le 3 dessus. En fait, ça fait un bâtiment qui est comme ça. Ça, c'est les deux tavernes. Enfin, la première est une taverne, la seconde est une auberge, plutôt. Auberge. Bouclier brisé. Bouclier brisé et poussin jaune. Marque de taverne. Donc, le mec vous a payé... Vous avez payé 4 pièces d'argent pour 2. Et le poussin jaune, c'est une auberge. Le mec vous a payé 4... Attends, je tiens aussi à dire quand vous êtes passé en story, parce que vous avez visité d'un bout à l'autre. La taverne avec les annonces. Tu ne seras pas obligé de noter, mais c'est bon à retenir. Ce bâtiment-là, qui ferme cette petite rue, ce bâtiment-là, il est tout petit et la façade toute peinte en rouge. Comme je l'ai dit, je préfère le repréciser. Donc vous a payé 4 pièces d'argent. Et il vous a pris 2 heures de plus parce qu'il était ravi. Et il vous a... Enfin, pas tout le monde. Ouais. juste Toriko... Kat et Toriko. Toriko, j'ai pas mis son nom. C'était ça, là, c'était Toriko. Ouais. Oui. Je me rends dans un coin parce que je sais pas ce que je fais. Ou Toriko. Non, c'est Toriko. Et en vous proposant de revenir tous les matins si vous le souhaitez. Même et pendant la... Du coup, c'est où le... Ah oui, le grossiste. Il est sorti ici. Oui, ici. Tu peux noter qu'à côté, il y a la cartographe là. Donc vous pouvez revenir tous les matins si vous le souhaitiez. Le bonheur. Je suis tout suivi cette histoire. Moi, je suis en train de forger, quoi. Ah ouais. Leitan, quant à lui, parti à l'auberge du bouclier brisé pour se renseigner sur les. Pour se renseigner sur les parties de bonheur, d'accord. Sur des quoi, t'as écrit ? Non, pour se renseigner. T'es parti dans l'auberge pour te renseigner, mais je sais plus de quoi, je n'ai pas noté. Et en repartant, t'as trouvé l'affiche qui était collée donc dos à la porte. Enfin, t'es rentré dans l'auberge, dans la taverne, tac tac tac, et t'es ressorti, il y avait cette affiche avec les petits boulots. Ça, c'était pour le... Il y avait le truc du déchargement. Non, c'est bien, j'étais posé à l'entrée et j'ai entendu des gens discuter. J'ai jeté un œil et après, c'est après où on est allé voir les affiches. C'est dans la taverne qu'il y avait les affiches. Ah non, dans la taverne, c'était pour une mission spéciale de recherche. De oui, mais il y avait aussi le truc de la cartographe. Hein. Non, mais il a raison. C'est... Ouais, je me suis trompé. C'est peut-être pour ça que j'ai rayé. J'ai peut-être réécrit après. Parce que j'avais vite fait rayer. Et c'est pour ça que je suis passé à une autre phrase directe. Donc, t'es parti de bonheur chez le forgeron pour attaquer la fabrication de clous. Avec lui. Les autres se levèrent plus tard et allèrent se balader en ville. Ils allèrent d'abord voir Is pour voir comment il s'en sortait, je répète beaucoup moi. Puis vous êtes parti en ville, après vous êtes fait refouler par le videur du Poussin Jaune, une auberge très réputée. Et Laïtan et plus tard Kat allèrent au bouclier brisé. Toriko continua à négocier pour avoir un entretien dans les cuisines de l'auberge avec le videur, mais il lui a argué que c'était l'heure du coup de feu. Il invita à repasser hors service en lui conseillant de faire plus propre à cause de ses récentes tâches. T'as consommé. Ouais, c'est toi qui as consommé le cake aux carottes au bout qui est brisé. Tous les deux, sauf que lui, il l'a trouvé dégueulasse. Moi, je suis pas malade. Ouais, non, il l'a pas trouvé dégueulasse, il l'a trouvé super bon. Il l'a trouvé super bon, alors que l'autre, le Philomène, le scribe. Philomène l'avait trouvé dégueulasse. Ah, bon, oui, celui qui t'a lu l'affiche, en fait. Ouais. Philomène, le scribe. Et toi, tu l'as. Moi, j'en ai mangé aussi. Et j'ai t'as pas mangé, trouvé, t'as pas été malade, mais c'était pas terrible. C'était Philomène. Donc, superbe cake aux carottes, et t'avais pris une bière aussi. Donc, Kat et Laïstan mangèrent du cake aux carottes sans tomber malade et burent une bière en prenant connaissance des petites annonces. Laïstan ne sait pas très bien lire. Donc, Wanted. Wanted, bon, oui. C'était lui. Quoi, cette histoire en fait c'est qui lui? Ah oui, c'est le champ que t'as pas voulu montrer. Ah, mais oui. Donc je, mais là si je parle de ça. Il en a parlé après parce qu'il a dit qu'il voulait le. Ouais, mais je connais pas sa tête, tu vois. Non, Non parce que mais moi je l'ai vu de loin. Il y a, alors ça je vais te le dire parce que t'as pas tes notes parce qu'il a oublié celui de perso en fait. Donc il reprend son perso comme il était au tout début. Et voilà. Quelqu'un t'a dit, alors je sais plus qui du tout, qu'il serait. Enfin, c'était écrit qu'il était parti vers le nord, on t'a dit qu'il serait caché vers la montagne rouge. Ou une autre personne t'a dit la montagne pourpre. D'accord. Caché dans les grottes. Ouais. Donc la deuxième annonce c'était chargement, déchargement. C'est pour ça que vous avez fait le déchargement après. Oui, c'est pour ça qu'ils sont allés. Et l'autre, c'était la recherche de personnes pour être cartographe. Très très vieille affiche, très très vieille. Mais ça, on allait là-bas. Il y avait aussi déjà un concours de bouffe. Mais ça, c'est demain. C'est sur le panneau, ouais. Ça. Allez, alors, sur les affiches de la ville, vous avez vu le lendemain, enfin le premier jour de célébration. Et un concours de tir. Concours de tir à l'arc. Deuxième jour de célébration, concours de pâtisserie. Troisième jour de célébration, concours de poésie. Et bon, traditionnellement, en discutant vite fait avec les gens et tout, vous avez compris qu'il y aurait plein de petits trucs à faire, de petits concours, de petits machins. Bon, un truc du plus gros rangeur, tu vois. Enfin, ça, c'est les trucs officiels, ça a été affiché dans la ville et tout, parce que c'est écrit sur l'affiche, et c'est financé c'est, par le duc. C'est payé en plus. Et c'est une pièce d'argent à chaque concours pour pouvoir participer. Et c'est le duc qui paye la récompense, c'est le duc qui paye l'organisation du truc et tout, c'est le duc qui gère tout financièrement. Quoi. C'est un cadeau du duc, en fait, à la ville. Quoi. Ok. Et donc, vous êtes... machin. Donc, ouais, tous les matins, on log, la troisième... Ok. Donc, vous êtes retourné voir Iski bosser. Après la visite de courtoisie, vous êtes allé visiter le marché de Romani. Et Toriko se lança dans une soupe populaire. Oh. Pour 5 pièces de bronze, il acheta les ingrédients et il fit grand bruit. Il suit de la pub en donnant les restes aux enfants qui traînent. Il gagnait un peu d'argent, hein. Après tout cela, vous êtes rentrés tous vers 18h pour emprunter à nouveau la charrette le lendemain. Vous avez aidé Eliane à charger le blé à farine, c'était à ce moment-là. Enfin, moi j'ai noté à ce moment-là, mais je crois que c'était le premier jour. Ah non, mais non, parce qu'après, en fait, c'est ce jour-là que vous avez déchargé. C'est oui, c'est le premier jour, c'est... on a fait la soupe populaire quand on s'est promené en fait. Ouais. Le premier jour. Et c'est le lendemain, on a dit on va bosser, refait. Et après on reprend la soupe populaire. Trop doux, rien boulot. Bah ouais. Donc j'ai noté juste dans le mauvais ordre, mais. Pas plus mal quand même, vous en souvenez. Bon repos, bon repas. Bon, c'est bon. Donc en ville, vous déchargez le grain sans attendre. Toriko fut embauché pour 2h à 4 PA et à la fin de ce délai, Laïstan, qui était plutôt de main gauche, fut remercié et payé, mais le grossiste embauché à 4 et Toriko pour 2h de plus à 5 PA. Pendant ce temps, il s'arrive à la forge, fut pris à partie par le forgeron pour tailler le couteau qu'il avait promis à Toriko. En échange d'un bon repas. Avec sa femme. Et enfin, que Toriko lui ferait, en fait. Enfin, vous ferez. Il forgea le manche. Enfin, tu forgeas le manche. Il s'occupa de la lame. Et qu'il forgea dans l'ergonium rouge. Il installa une mécanique pour pouvoir l'ouvrir et le fermer. En une simple pression d'un doigt sur un endroit particulier. Tu t'acharnes à 4 heures de plus à aiguiser la lame. Donc, il fait plus 4 dégâts. Ah oui, c'est pour ça qu'on a fait de dormir. Tu sais, avec Toriko, on s'est allongé dans la charrette parce qu'on se faisait tellement chier. Tous les compères se rejoignirent devant la forge pendant qu'Iss affûtait. Je m'en souviens, j'ai gagné. Elle a simplement. Et il affûta une flèche pour voir la. Moi, je me suis posé devant toi. Si ça je me suis posé devant toi, je bougeais c'est pas. C'est la histoire, il a forgé une flèche pour pouvoir gagner. Et ta flèche, t'as fait pendant une heure et il avait un +1 sur sa flèche en fait. T'as une flèche avec +1. Tu peux le noter, vu qu'on s'en souvient. Ah oui, d'ailleurs. Plus 1 au dégâts, quoi. Dégâts plus 1. Donc après, vous, voilà, il t'a relâché, enfin, t'as pu partir. Enfin non, t'es quand même passé au... C'est le tanneur. T'es passé chez le tanneur juste à côté. Je voulais foutu le forgeron ou pas? Oui, ouais, ok. Donc t'es passé chez le tanneur juste à côté. Pour qu'il fabrique le fourreau. Pour que, ouais, pour qu'il fasse le fourreau. Et d'ailleurs, j'ai oublié l'épisode du cheval. Bah oui, mais ça, c'est le premier jour. C'est le deuxième jour, en fait. Et là, c'est le troisième jour. Et le troisième jour... Non, on est toujours au deuxième jour. Hein. Non, c'est le troisième jour. Non, c'est le troisième jour. J'ai inversé avec le déchargement. Ah. Chargement, en fait. Mais ça, c'est le troisième jour. Donc, troisième jour, il t'a fait... premier jour, fer à cheval. Deuxième jour, clou. Troisième jour, vous avez fait le couteau pour... J'ai fait 15 jours de forme. Non, non, t'as fait 3 jours. Ah, ouais. Enfin, t'as fait 2 jours et demi, en fait. T'as fait une journée entière, une demi-journée, et re une demi-journée. Si, si. Non, il a fait une demi-journée. T'as passé beaucoup de temps. Il a fait 2 jours complets et une demi-journée. Parce que le premier jour... Mais non, j'ai rajouté 4 heures d'affûtage. Non, le deuxième jour, le Norbur, il lui a dit... Ah, je te libère pour l'après-midi. Ah oui, c'est ça. Voilà, et c'est là où il s'est mis à fuir. Et il lui a dit demain, on fait un vrai couteau. Parce qu'il l'avait un petit peu enguiché avec, avec ton rico. J'ai changé le couteau. Il y avait ton rico, vous aviez dit. J'ai gagné quand même. Et j'ai gagné combien? 5 pièces d'or. Hein. Pièces d'argent, j'avais gagné avec cette histoire aussi. Je l'ai pas noté. Tu as noté ou pas? Ouais. Pas mieux. Oui, parce que moi, je me retrouve sur parce qu'il m'a payé quand même. Le marchandage, c'était ça plus le couteau. Il m'a quand même payé le premier jour. Mon premier jour de paye, et le lendemain, il m'a pas payé parce que j'ai voulu remarchander le paye. Et t'as plein de mettre sur la paille, quoi. Mais par contre, alors je sais plus pourquoi, t'as fait réussite critique, t'as eu le bourrin. Ah, c'était 2 PO et j'ai tout donné, mes 2 PO. Ah, voilà, c'est ça, j'ai donné mes 2 PO au tanneur pour qu'il fabrique un super four. Oui, au lieu des 1 euro. Exact. Donc la fin, je m'en souviens, vous êtes allé, vous êtes passé, ils t'ont rejoint. Vous êtes partis ensemble, vous êtes passé chez Tanner tous ensemble. Vous êtes allé refaire la soupe populaire. C'est encore toi qui allais négocier. Là, ça vous a coûté. C'est pour ça que moi, je t'avais attendu, en fait. Oui, c'est pour ça que vous avez fait chier pour qu'on l'attende, en fait. Là, j'ai fait chier, moi. Le mec, il m'a coupé un roast beef, ça va le cuire. Il a fait 10 fois de la soupe, il a gagné 90 pièces de bronze, et, enfin 9 pièces d'argent, quoi. Et il a refilé encore à bouffer aux enfants qui traînaient par la fin. La soupe est grand bruit, etc. Bon, ça, c'est moi, je me suis c'est moi qui ai payé, c'est eux qui Bah, t'as pas envie de l'argent, voilà, mais ça a rangé avec ton rico. Vous avez fini l'après-midi, vous êtes reparti chez Eliane pour manger, sachant que les célébrations commencent de minuit et a fini ce troisième jour à minuit. Ah, et c'est ça, on avait dit on va se coucher pour pouvoir commencer les célébrations. On est arrivé à quelle heure chez Dame Eliane, c'est ça qu'il faut savoir. On est arrivé à ce moment-là. Non, après, c'était la fin d'après-midi. Ouais, vous allez beaucoup faire. La fête commence que dans 4 heures, quoi. En gros, dans 6 heures même. Dans 4 ou 6 heures. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'agitation déjà sur la route. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il y avait beaucoup de monde sur le retour. Il y a déjà beaucoup de monde. Ouais, vous croisiez beaucoup de gens qui rentraient. Il y a beaucoup d'agitation, même en ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Des gens que vous avez jamais vus, on rentrait parce qu'on était trop crevés pour dire qu'on faisait autre chose. Mais j'ai toujours pas le fourreau. Le fourreau, faut que je récupère. Le fourreau, il t'a dit laisse-moi 24 heures. Ouais, c'est ça. Et t'as même dit. Fasse un super beau. Et non, Dur, t'avais dit de revenir le lendemain matin. Enfin, t'avais dit que non, c'est pas lui qui t'avait dit, c'est toi qui avais dit je reviens demain matin. Ouais. Ben, pour savoir s'il y avait du boulot. Enfin, t'es bon là. Ouais, bon, là, on est à la table avec Eliane. Donc, ouais, c'est pas du tout la bonne musique, mais c'est pas grave. C'est pas et du coup, ton rico, il est en cuisine. Vous arrivez chez Dame Eliane, elle est déjà en train de cuisiner. Il est. Allez, on va dire que vous êtes parti à 6h30, donc 7h30, tu vois. Et pour ton rico, il est avec vous aussi. Donc, oui. Il arrive, il cuisine comme d'hab. Ouais, on le voit partir en cuisine. Donc, quand vous arrivez, vous faites 2-3 bricoles. Toi, tu t'occupes de ranger la charrette, t'occuper de ton bois qui s'appelle. Bois? J'ai pas de bois. Ah, si, mais qui c'est qui m'a donné un bois? Enfin, t'as un cheval supplémentaire, c'est toi qui t'en occupes en même temps. Tu l'as gagné quand tu l'as arraché quelque part, il a pas. Oui, non, mais pas besoin d'insister parce que je crois que RP il a pas encore compris. Donc je lui rejouerai RP. Ah oui! C'est pas grave, vas-y. Je vais occuper de la charrette. Enfin, ta charrette, non, c'est la charrette d'Eliane. Apparemment, t'as un cheval en plus que c'est toi qui as nommé. Eliane t'a demandé son nom, je me rappelle plus de son nom. Mais Mais non, c'est les deux qui. Je crois que c'est Bourrin que tu l'as appelé. T'as dit quelque chose, tu vois, t'as dit bourrin, c'était pas les deux qui avaient doublé, c'était pas le cheval et la charrette. Non. Ah, c'était deux chevaux. Il est parti avec un cheval et une charrette, et il est revenu avec deux chevaux et une charrette. D'accord. Moi je connais le HRP, mais voilà, après. Tu connais pas le HRP, tu connais le. T'as compris avec le RP que j'ai joué, mais non, bon. Tu me l'as dit après. Ah ouais? On en a parlé après. D'accord. Donc je le sais. Enfin, ça me paraissait évident, je pensais qu'il l'avait noté. Je le sais, c'était sur la fin en plus, ça. Donc vous arrivez chez Dame Eliane et c'était après vous êtes posé, enfin déjà Vlad il va aider, Toriko va aider en cuisine, poser les assiettes, etc. machin. Ouais. Et vous, vous allez un petit peu vous envoyer faire 2-3 conneries. Ouais, il faudrait rentrer les poules, il faudrait changer le foin des chèvres, etc. Trois petites bricoles, quoi. Et elle vous dit que ça sera prêt d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Quoi. Donc vous arrivez à 8h30 pour manger, vous vous installez à table. Avant la table, c'est possible de se laver ? Ah oui, effectivement. Ouais, un peu plus. Oui, ça fait 3 jours que je pense, tu sens le nain, il est à 50 km. Ils arrivent, et Damélian a dit « Ah, faut commencer à faire un coup. » Donc on va dire, plutôt que vous envoyer faire vos trucs, elle vous envoie vous laver. Donc il y a une baignoire, c'est à tour de rôle. Il faut soit prendre à l'eau froide et ramener les seaux, soit chauffer l'eau en fait. Donc au feu, etc. Donc ça, ça prend du temps. Sinon c'est ablution. Il y a une petite, un petit cabanon à l'extérieur avec une cuvette, machin. Ouais, moi je fais avant le bain, je fais quand même mon job parce que j'ai pas eu. Si vous demandez à Eliane, elle vous dit quand même ouais, il suffit d'aller en ville après. Ouais, soit dans les auberges, vous pouvez payer juste le. Il n'y a pas des bains publics ? Après, il n'y a pas de bains publics. Mais les gens ont l'habitude d'aller au temple de l'amour pour se laver en fait. Ouais. Moi je prends un bain à l'eau froide. Ok. J'ai l'habitude. Combien de temps tu prends ton bain ? Tu traînes ou... Non, pas forcément. Non, c'est pour, juste pour me... Décrasser, quoi. Vraiment me décrasser, quoi, mais... Ok, du coup, lavage pour tout le monde ? Ah non, non. Non, moi, je vais juste... J'attends de faire mon appel, justement. D'accord. Parce que... Moi, si je peux m'occuper de la charrue et tout avant, je vais tout faire avant. Parce que ça sert à rien d'aller prendre un bain pour tout couvrir après. Quoi. Après, enfin, rien ne vous presse pas, c'est... J'ai le temps d'occuper de la charrette, Tu peux t'occuper de la charrette, de la bourrique, de manger et de te laver après. Vous n'êtes pas obligé de tous y aller. Voilà, c'est ça. De toute façon, on ne peut pas aller tous y aller en même temps parce qu'il n'y a qu'une baignoire. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça. Voilà. Donc, mais après, si vous voulez faire dans l'ordre, tu vois, si vous voulez passer avant, etc. Non. Bon, minutieux comme je suis, quand même, je fais quand même un tour de la charrette, voir si elle n'est pas abîmée et tout. Ok. Attends, moi je fais un jet de chance. Ok. Et toi, tu me fais un jet de connaissances ? Ouais, connaissances en quoi ? Parce que là, ça va être 40. Putain, donne-moi un élément, s'il te plaît. Connaissances, ouais, c'est là. En fait, en connaissances, j'ai armes et armures, horloge. Ouais, vrai. je sais. Mais non, connaissances, quoi. Ouais. Connaissances générales. Comme tu veux, connaissances ou artisanat, si tu veux vraiment. Ouais. Artisanat, c'est peut-être. Connaissances de base. Connaissance de base. Ah ouais. Ah, alors c'est vrai. Connaissance de base plus 30 quand même. Ah. Ça fait plusieurs jours que tu prends la charrette, c'est une charrette, c'est pas non plus. 30. Non, 3. Ça va me faire 30 parce que. 3. Ça commence. Moi je prends la charrette. Tu la répares en fait, il y a une petite bricole, tu fais ah mais ça, ouais, putain, il faudrait remettre un petit coup, tac tac tac. 30 petites bricoles, vite fait. Charrette rutilante, elle reprend 10 sur 10 en vie. J'avais fait un bon score au jeu de chance, elle était vraiment abîmée. Je considère que tu l'as bien réparé quand même. Et voilà, ça t'a pas pris longtemps quoi. D'accord. Voilà. Je m'occupe quand même de bourrique. Je lui donne l'avoine, je prépare quoi. Je profite de ce cheval quand même. C'est bourrique son nom définitif ou pas ? Ouais, c'est bourrique. Ok. Pendant que tu es là, en fait, tu me vois sortir des ablutions en fait. Et puis, comme vu que je vois que t'as pas fini, que je me doute que la demoiselle, elle va prendre du temps, là. Oui. Je sors mon arc, je regarde ta flèche que tu m'as. Je fais, il faut que je teste ça. Je regarde le premier arbre qui... et je bande l'arc avec la flèche et je teste ma flèche en visant l'arbre en fait. Ok. Juste pas très loin de lui quand même. Mais... Attends, quoi, tu tires vers lui vers l'arbre, mais sans. Je sais qu'il est occupé à faire ses trucs, tu vois, et qu'il est plus ou moins sur le chemin. Je pas ce que t'es en train de faire. Ok, genre un arbre, à quelle distance ? À peu près. 20 mètres. Ok, ouais, tranquillou, vas-y, tire. Tire plus 10. 20 mètres, tire plus 20. Ouais, mais c'est bon, si c'est tire plus 10. J'ai 90 en tir. Ouais, ça déjà, c'est. 85 en tir. Ta flèche, déjà, tu tires, elle part. Ouais. Il se retourne directement, tu vois. Il entend le bruit de la flèche et tout. Il s'arrête dans ce qu'il fait, il se retourne. Il voit la flèche passer. T'as pris un bon gros arbre, tu vois, un bon gros chêne. La flèche, elle traverse. Elle se plante dans l'arbre derrière, mon gars. Tu vois. T'as le même arbre derrière. Wow, c'est quoi que tu m'as fait là? C'est quoi ta flèche? Tu m'as vampé au plein. Ta flèche, elle est excellente. Alors, forêt. Attends, je vais tester mon pistolet. Attends. Je mets ma poudre là, la touche. Il en va, je fais non, c'est pas possible. Et paf, je tire. Sur la roche? Sur la roche. Ok, tire tout court. Ah oui. Attends, tire moins 10. Première fois que tu t'en sers. Ouais, ah oui. Et moins 10, je suis gentil. 44, oula. Tire, je sais pas. Attends, on va vérifier quand même, mais tire, je me rappelle bien que je suis pas super bon. C'est pas vrai. Oui, je sais. Tire. Ah, 70 quand même. Ah, c'est bon. Ça passe mal. C'est dommage, je vais faire tirer un pigeon. Donc, tu tires, gros recul. J'ai de force pour. Parce que bon, assez impressionnant quand même. Et puis tu sais pas encore très bien doser la poudre. Force, c'est sur D. Ouais, c'est D, hein. Force. Ah oui, c'est vrai. Et tu tires et la balle part direct dans l'arbre aussi. Oh non, ça passe pas. Je fais le ding, vas-y, je t'en vais. Tu le nain, quoi. Ouais. Tu tires, tu t'envoles, tu tombes sur le cul et la bille tape en plein milieu de l'arbre. Enfin, ça fait un impact à côté, pas tout à fait comme la flèche, tu vois. Enfin, je sais pas, tu visais le trou de la flèche? Non, je suis pas un arbre. C'est juste par énervement que j'ai vu ça. Ça fait un impact sur l'arbre, tu vois, un morceau d'écorce qui. En même temps, je me suis pété la gueule en même temps, hein. Faut pas exagérer non plus. Ah, mais tu vois, tu tombes en arrière, bon recul quoi. Oh, ça prend le tir, il se lève comme un fou. Tu dis bien, il faudra mettre moins de poudre peut-être la prochaine fois. C'est clair. Le faire plus calmement peut-être, tu vois. Je me baisse vers lui, je le ramasse. Enfin, je vous l'aide à se relever. Je le ramasse. Fais gaffe, je fais quand même 70 kilos. Ouais, quoi. Je le ramasse, je casse pas deux côtes en même temps, quoi, tu vois. Non, le nain, il est compact. Costaud, lui, il est costaud par contre. Mais après, bon, je t'aide à te relever. Et je crois que tu ferais mieux de te mettre à faire des flèches. Et tu vas faire le concours de flèches demain. Hein, tu vas ouais, mais j'ai un petit souci. Je sais pas ce que j'ai foutu de ma bourse et c'est payant. Donc, et c'est combien? 5 pièces d'argent, je crois. Oh, c'est pas grave, je te l'ai prêté. 5 pièces d'argent. Mais c'est très gentil à toi. Mais t'as vu. Ah, mais quoi, c'est une pièce d'argent, je crois, mais bon. Tu vois, tu peux le savoir, t'as vu les affiches partout. C'est une pièce d'argent. Bon, après, c'est pas grave, je vais te filer 5 pièces d'argent si t'as plus rien. Non, mais une seule pièce d'argent, ça me va. Tout ce que je veux, moi, c'est pouvoir tirer dans ce concours parce que je pense que j'ai toutes mes chances. Ah oui, j'espère surtout que je vais pouvoir utiliser. Non, mais c'est vrai que tu te souviens que pendant 3 jours, il a bien dépensé. Il a payé les courses, il a payé tout dès qu'il fallait lâcher. Ça ne change pas de lui payer son concours. Ouais, le mec qui voulait lâcher une pièce, dès qu'il fallait lâcher une pièce, il lâchait. Tu vas nous ramener, attends, tu vas nous faire un petit papy du duc là, tu vas mettre ça bien. On va essayer après. Tu vas avoir plein de trucs, mon pote. Après, peut-être qu'il va falloir qu'on affûte un peu toutes mes flèches, comme ça je suis sûr d'avoir que des flèches gagnantes. Ça, on verra demain avec le forgeron, je dois aller le voir. Très bien, on verra ça. Allez, bon, je vais pas chercher la flèche. Je me lave tranquille. Tu prends ton temps pendant qu'il rigole dehors. Je les entends. Je suis content, mon flingue, il faut je les entends. Okay. Quand tu t'approches, quand tu prends ta flèche, alors déjà quand tu passes à côté de l'arbre où ta flèche traversée, tu vois que sa bille, elle est restée, elle s'est écrasée dedans en fait, mais elle est restée coincée dans les portes. Vraiment la preuve qu'il y a vraiment trop de poudre. Et quand tu sors ta flèche, elle est à peine plantée dans l'arbre derrière. Et tu vois là, tu entends l'arbre derrière qui fait. Qui tombe sur le côté comme ça. Ok. Genre t'as coupé du bois, tu vois. Et mais trop bien, trop net, quoi. Tu vois. Il fait un V comme ça. Il a glissé sur le côté. Tu crois pas qu'il faudrait qu'on finisse le boulot avant d'aller manger un peu? Je suis trop concentré sur mon arbre. J'ai même pas entendu l'arbre tomber. Tu vois, je suis là, ça fonctionne. T'as décompté la bille? Ouais, ah non, mais pardon. Donc ma flèche, elle est morte ou... C'est ça que tu disais, la flèche est écrasée. Non, c'est sa bille qui est écrasée, pas ta flèche. Ta flèche, c'est la bille. Un des 6 et. Non, même pas. T'as fait une réussite critique, ta flèche, elle est nickel. Elle est, quand tu la prends, tu te coupes. Quand tu prends le bois, tu te coupes déjà. Dès qu'on la recule, putain. Elle est encore chaude. Ça coûte rien du tout. Presque le deuxième arbre, il est en train de cramer. T'es... Oh putain, mec, t'es sûr là. Donc, vous rentrez. Attends, parce que là, je suis quand même en admiration de mon flingue qui fonctionne, mon T'as combien de charges de poudre? Parce que oui, il faut que tu me donnes la poudre. Ah, j'en ai 6, il faut que j'en enlève une. D'ailleurs, la poudre, il va falloir que j'en trouve. Là, je suis en train de dire, ouais, maintenant que ça fonctionne, faut que j'améliore. Bon, allez. Maintenant, il va falloir que j'arrive à dire à Dame Eliane que on a coupé du bois. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Moi, c'est qu'est-ce que tu fais dans pendant ce temps-là? Bah, je prends mon bain, tranquille. Je les entends ou pas, en train de faire les barbeaux? Perception. T'entends le coup de feu, quoi qu'il arrive. Enfin, bon, pas quoi qu'il arrive, sauf échec critique. Ou tu perds la Louis, t'entends un boum. 73 sur 80. Ok, ouais, t'entends. Enfin, tu les entends en tout cas, Jacques, t'entends pas forcément exactement ce qu'ils disent. T'entends qu'ils sont. J'entends moins l'arbre tomber. Ah, t'entends le coup de feu, t'entends le nain qui tombe sur le cul, t'entends. Ouais. C'est pas... Je rigole bien dans mon. Mais t'entends pas forcément tout ce qu'ils disent, tu vois. Non, voilà. Ils discutent, tu sais qu'ils discutent entre eux. Non, tu sais que tu peux prendre ton temps. Ouais. Je prends mon temps. Enfin, ça s'est passé quand même assez vite. Et genre pour le bourrin non, et le... Pas pour le bourrin et la charrette, t'as mis une demi-heure, une heure pour le bourrin, j'avais dit. Ouais. Et la charrette, tu l'as fait vite fait quoi, vraiment en 10 minutes. Non, en une demi-heure, t'avais fait le tour et réparé, donc une heure et demie quoi. Donc allez, 2 heures de plus, on va dire. Ouais, cette charrette, elle est flambant neuve quoi. J'ai oublié ça, tu vois. Non, mais j'ai pas l'habitude de prendre mon temps dans le bain, surtout avec de l'eau froide et tout. Voilà, je me lave et je sors. Okay. J'en profite pour laver mes vêtements aussi. Ça marche. Mais non, je prends pas 3 heures dans Tu as séché tes vêtements ou t'as des rechanges? Oui, je les lave, je les mets à étendre tant que moi je me lave en fait. D'accord. Enfin, là, c'est pour que ce soit. Je veux dire, c'est le dernier jour de l'hiver, la célébration qui commence ce soir. Oui, mais c'est pas grave, c'est de toute façon. Bah, l'enceinte des chances, alors, enfin, si j'aime ça. Je vais la remouiller. Classé avant d'arriver avec la pneumonie, tu sais. Ah chance, c'est des 20. Ah bon. C'est le sixième sens en fait. Chance. Ça passe. Ouais. C'est 12 sur 15. Ouais, tu les remets, ils sont un peu humides, mais ça va, c'est jouable quand même. Ils sont pas gelés, ils sont pas. Il fait assez bon quand même. T'as bien géré. Tu les as mis dans un courant d'air en fait. Et du coup, je vais après jouer. Bon, qu'est-ce qu'on fait, mon cher ami là? Je vais en rentrer ma gueule. Tu vas pas t'essuyer okay. Un peu je l'ai fait juste avant de tirer ma flèche en fait. Bon, je ça t'as bien réussi. Demain tu te laves en partir. Pendant que tu t'occupais de ta charrette. De bourrique tu parles. Moi j'étais en train de faire quelques ablutions là dans ce petit cabanon que Damélien nous avait indiqué bien gentiment. Je trouve que c'est bien suffisant, mais après. Il s'agit de prendre votre bain, je vais pouvoir se faire. De quoi tu parles? Aujourd'hui, il y a un peu de vent, c'est pour ça que ça a séché assez vite ces affaires. Donc ça se voit. Je suis pas très rassuré, je t'assure, c'est vraiment. Oh, je suis pas très satisfait de mon voiture. Ça fait l'affaire, ça suffit pour faire des ablutions. Ouais. Ah, bon. Je vais aller voir là-bas si on peut prendre un petit bain tranquille, tu vois. Il venait de changer de la paille et tout, donc la paille était propre, c'est clair que c'est rigolo. Mais je pense que j'irai me trouver un petit lac, moi. J'aimerais bien trouver un petit lac avec une petite cascade. Il fait moins 5 degrés, mec. Tout, tu vas pas prendre un lac. Il fait pas moins 5 degrés. La journée, il fait ce temps-là, en fait, commencement entre 10 et 15. C'est quoi cet hiver? C'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver. C'est le dernier jour de l'hiver. Ah. Ouais. C'est la fin de l'hiver. C'est début du printemps, quoi. Tu sais, moi, tant que même Carlo, elle est gelée. Ok, il faut y aller. Vous êtes sur un bon bain bien chaud. Vous êtes sur un climat plutôt méridional en fait là où vous êtes. D'accord. Donc vous rentrez chez Eliane? Ouais, oui. Ben moi pour prendre un bain. Hein. Ah, tu vas te laver direct alors avant de manger? Ah ouais, prendre le repas et tout avec toi. Ah, mais c'est vrai que toi t'as pas pris de bain. Hein, depuis 3 jours. Si tu veux parler. Mais non, mais c'est normal. Mais ce soir tout le monde sera beau, tout le monde sera propre. Ouais, c'est ça, c'est donc, le bon tout le monde à la fête. Voilà, vous rentrez quand tu dis tu vas prendre un bain, Eliane elle prend un golan, oui, t'inquiète pas, on va t'attendre et ça restera au chaud. Dame Eliane, par contre, veuillez m'excuser, dites-moi. Mais est-ce que vous teniez beaucoup au être qu'il y a à côté de la grange? Au chêne? Au chêne, oui. Ben, il menaçait un peu la grange, justement. Je comptais le couper. D'accord, ben c'est très bien, une bonne nouvelle, alors je m'en suis occupé. C'est vrai? Il est déjà coupé, il est déjà abattu quoi. Vous l'avez débité et rangé? Non, je ne pas l'avais pas totalement débité et rangé, mais il est abattu, il est vraiment abattu. Incroyable, je n'ai pas entendu les coups de hache, j'ai entendu une explosion, Ah oui, j'ai testé la nouvelle arme de ma confection. Regardez, regardez j'ai ça. Vu, mais j'ai vu que vous le traîniez à la ceinture. Je m'en ai bien à quoi ça servait. Ah, c'était, c'est une arme à feu. Enfin, mais à moins, si vous souhaitez, vous me dites où c'est qu'il faut le ranger. Et le temps que monsieur aille prendre son bain, j'irai pour ranger. Faut le couper. Avez-vous une hache? Tout à fait. Bien sûr, elle demande où c'est. Tu viens de te laver, tu vas pas aller refaire des travaux de force? Puis de toute façon, le plat est prêt, je pense que Toriko va s'occuper de garder tout ça au chaud. Je vais vous aider à couper le bois. Allons-y. On y va de suite? Bah ouais, elle sort comme ça. Elle se fout un petit manteau. Okay, elle n'est pas habillée comme ça. Oui, voilà. C'est la fin de l'hiver. Oui, mais c'est même pour aller couper du bois. Bon, elle est quand même en robe. Une robe très très claire, très pastel, donc qui est facilement tachable, mais elle n'a jamais une tache sur elle. Et voilà, une robe longue, elle y va quand même en robe, mais juste un petit surcroît, quoi, on va dire. Elle est avec toi, elle va chercher les deux haches qui sont dans un appentis sur le côté, ouais. Et elle commence à débiter le. Alors, vu que c'est un gros tronc, elle prend aussi une grosse scie, tu vois, vous mettez chacun d'un côté, vous débitez déjà des tranches, quoi. Si t'es chaud, on peut le prendre par la longueur. Dans le sens du fil, quoi. Planches, non, pas faire des planches, mais pour que ce soit plus facile après de si tu vois comment ce son. Mais si vous le sentez, moi je pense que je peux suivre, hein. Vous savez. Ok, allons-y. j'ai de force tout court. De force. Force ou artisanat, t'as combien en artisanat? Artisanat, je suis pas très haut, je crois que je suis artisanat. Artisanat, je suis à 35. Après, j'ai 51 en fléchier, voire un peu plus. Mais... T'as combien en force? En force, j'ai 14. Ok, j'ai de force. Là. Il est où, demain? Oh non! Alors, un jet de vigueur, du coup. Là, c'est décent. Ça, c'est décent. Parce que là, elle te crève, en fait. Et là, j'ai compris que j'avais tout juste pas la force de... 86 vigueur, c'est où c'est que j'ai vigueur? Voilà, dans le combat. Non, c'est ouais, combat. Dans le combat. Ok, t'as 75. 70. Ouais. 75, moi j'ai. Ah non, pardon. C'est moi qui 70, exact. Exact, exact. 75, ouais, bref, c'est pareil, tu tombes dans les pommes. Ouais. J'ai pas de force, mais j'ai de vigueur. Tu tombes dans les pommes. C'est pas mal. Tu te réveilles. Elle est. Elle t'a rentré à l'intérieur de la maison. Moi, je crois qu'il y a. Enfin, tu la vois penchée au-dessus de toi, quoi. Elle te dit, bon, mais désolé, j'y suis peut-être allé un petit peu fort, je me suis pas retenu, quoi. Veuillez m'excuser, Laïstan, c'était pas voulu. Mais... Je devais certainement être encore fatigué de ma prouesse, car je dois avouer que je n'ai pas trop bien saisi ce qui s'était passé. Je me pensais plus fort que cela. Mais vous avez fini? Vous avez tout fini? J'ai fini de couper tout le bois, ouais. J'ai tout rangé aussi. Après, elle a fait ça en 30 minutes. D'ailleurs, les deux bûches, les trois bûches qui sont rangées sous la cheminée, c'est le bois, comme il est vert, j'aimerais bien qu'il sèche un peu plus vite. Donc je vais au fur et à mesure dessus pour avoir toujours du chêne à brûler. Ça me va, tout Benoît, au bout de la table, n'ose plus regarder personne. Vous avez fini? Alors moi, je fais chauffer mon eau. Ah ouais, carrément? Ah ouais, je fais chauffer mon eau, tac, tac, mon premier chaudron, tac, je renverse dans le seau. C'est des bons chaudrons quand même, le bac est rempli en deux chaudrons. Je prends le seau en bois, je refais le vase, et tout. Je me fais mon bain, voilà, tranquille. Ok. Ça part dans le petit aigle ou quoi? Ben en fait moi c'est pareil, je relave mes vêtements et tout, et puis je les mets au bord du feu pour qu'ils sèchent vite, quoi. Tu laves tes vêtements dans le bain avant de te... Non, après. Enfin, ouais, voyons. C'est pas comme d'autres. Ok, ben du coup ça prend pas mal de temps quand même, en plus j'imagine que tu traînes. Une heure et demie. Le temps de faire tout chauffer. Le temps de faire tout chauffer et transvaser. Bon, après, tu apprends pas bouillante non plus, j'imagine. Non. C'est chaud, quoi. Donc, non, il y a toujours de l'eau déjà qui chauffe sur le feu, tu vois. Ça, c'est comme tout comme art, quoi. Et donc, ça fait déjà une bonne masse d'eau assez chaude à verser. À verser pour chauffer l'eau d'entrée. Donc tu mets une demi-heure, trois quarts d'heure à chauffer l'eau, et soit tu traînes une demi-heure, soit tu traînes plus, quoi. Enfin, soit ça fait une heure et quart, une heure et demie, soit ça fait deux bonnes heures si tu traînes. Ouais, non, je traîne pas, hein, tu sais. Une heure et demie. À 10 heures, ouais. Non, on va être plus gentil, à 9h30, vous bouffez. Ok. Et par 9h30, ouais. 9h30, et là, j'ai les crocs. En plus, ça a débité le roi une vitesse. J'ai les crocs. La première chose que je vois arriver, je l'attrape. Ben, super repas. Torico, il a mis du sien, donc il a vraiment fait. Il y a un vrai cake aux carottes qui tremble pas et qui pique pas les yeux, tu vois. Il y a. Ouais. Assez repas de. Enfin. Ouais, repas de. Enfin, un petit peu à la Thanksgiving, tu vois. J'ai pour faire une accroche de notre époque. Ouais, vraiment un petit peu repas de fête. Elle a de l'eau. Donc, elle a tué canard, elle a fait. Torico a tué canard, sans... en douce. Hop, j'ai roulé sur un canard. Ils ont fait une belle omelette, il y a un dessert, il y a plein d'entrées dessert. Moi, je Il y a du lapin braisé qu'elle a chassé elle-même le matin. Il y a en entrée, il y a de la soupe des moines. Donc c'est de la soupe avec tous les légumes d'hiver en fait. Bonne soupe bien complète. Il y a lapin braisé, ouais, lapin de chasse, gibier braisé, poulet en sauce aux mille herbes. Il y a du pain de viande. Oui. Il y a de la pampenule flambée. Et que pampenule, c'était le fruit que tu avais vu qui était bleu en fait. L'intérieur, la chair est aussi bleue, ça ressemble un peu à du pamplemousse en fait. Mais bleu. Et flambé aux larmes de colosse. Oui. C'est flambé aux larmes de colosse, vous allez me dire un régal. Ça sera pour le dessert. Moi je me gave. Le pâté de viande, tac, les légumes. Bon gros repas. Vous pouvez gagner un point de vie sur ce repas si vous avez des points de vie en moins. Je sais pas si c'était le cas. Non. Non, mais on avait lancé pas battu, on a rien. Ouais, d'accord, il y en a, ouais, je pense pas non plus. Il y en a, ils peuvent perdre des points sans se battre. Voilà, c'est souvent. Juste en coupant des voix, il y en a qui crevent, tu vois. Ouais, sur un an, mais lui, il aurait fait un échec critique là-dessus, ouais. Par contre, poum, tout le long qu'elle coupe, tu te prends l'arbre avec la scie, tu vois. J'étais pas loin de l'échec critique, hein, 89. Ouais, c'était 86. Non, ça va un peu. Elle vous sert de la bière des nains aussi, à table. De la bonne bière. Au moment où je prends, je me sers de la tarte aux carottes. Du cake. Je mange le cake aux carottes, là. Je fais, c'est bon, c'est quoi ça? C'est du cake aux carottes. Ah non, c'est pas possible, vous me mentez, là. J'en ai goûté hier, du cake aux carottes, ça n'avait pas ce goût, là. Vous avez mangé du cake aux carottes hier? Je n'ai pas fait de cake aux carottes hier. Non, c'était à la taverne... du tablier. C'était à la taverne, le... C'était au bouclier brisé. Au bouclier brisé. Et vous en êtes revivi, vivant. Je suis surpris, là. C'est peut-être pour ça que t'as pas super bien coupé du bois, en fait. C'est peut-être pour ça... Elle te touche au front, comme ça. Vous êtes sûr que vous pouvez rien? Si vous me semblez un peu chaud, quand même. J'en ai mangé aussi. C'est vrai? C'était pas top. Mais... Ah, merci. Ça n'a rien à voir avec l'eau, ça c'est sûr. J'espère que mon cake aux carottes est meilleur, parce que beaucoup y sont allés, mais peu en sont revenus de ce... Merci, de ce cake aux carottes. Grâce à toi, je saisis la vérité. C'est la spécialité du chef. Le chef est adorable. Le chef de la taverne est adorable. C'est la femme du tavernier. Mais son cake aux carottes, n'y touchez pas. À mon conseil. C'est donc cela. Bien sûr, cela n'a pas... Vous êtes très forte, néanmoins. Je sais pas, je n'ai pas eu le temps. Une prochaine fois, peut-être. Alors, profitez bien de cette bière des nains, elle te resserre encore une fois. Merci, Dalia. Merci, vous faites bien plaisir. Et tu vois qu'elle boit pas mal aussi, quand même, mine de rien. Vous avez une bonne descente, ma chère dame, ça fait bien plaisir, et vive. Donc, j'en profite pour vous dire que j'organise un repas à la mi-célébration, en fait, où j'invite pas mal d'amis, plus les gens qui sont ici. Toutes les chambres, en fait, me sont déjà réservées à ce moment-là. Et donc, j'aimerais bien que vous en soyez, quoi, pour rencontrer les gens, cool. Mes amis du coin, en fait. Ah, ça a l'air bien sympa. On vous remercie. Donc, ça sera le surlendemain à... Enfin, c'est le repas du soir. Oui, c'est ça, la moitié de 3 jours. Non, c'est le repas du midi, excusez-moi, de minuit à minuit. C'est le repas du midi le 2e jour. Donc, pas demain, après-demain. Après-demain, pour midi, si vous pouviez être là... Okay. Et si vous avez l'occasion à ramener quelque chose, comme ça on fait un grand buffet nemrien. Une auberge naine, quoi. Une auberge naine. Ah. Une auberge naine. Le midi, là. Le principe de l'auberge naine. Le deuxième jour à midi, ouais. Il y aura aussi vos deux colocataires que vous n'avez pas le temps de rencontrer parce qu'ils sont assez actifs. nous le sommes assez pas mal aussi. Finalement, on n'est pas resté beaucoup ici depuis qu'on a réparé la bergerie. Je vois. Mais les gens qui viennent ici, souvent, s'activent beaucoup. Si tu vis là, j'ai quoi, l'occasion de voir des villes, moi. Il y a toujours des choses à faire, de toute façon. Ah oui. Surtout ça qui est important. Une vie est trop courte pour tout faire. Surtout que c'est bientôt la fête. Alors, pour sûr, il y a du monde, il y a de l'agitation, il y a beaucoup de choses. Ce soir, vous allez voir, ça va être... Vous sortez à minuit, je suppose. Vous allez y aller ou vous dormez avant d'y aller? Ah, il va bien faire minuit déjà. Parce qu'il est déjà 9h30, temps de repas déjà. Tu mets tes heures au repas. 11h, le repas de route. Ok. Enfin, si vous voulez faire traîner le repas, vous pouvez, mais. Enfin, même dès le début des célébrations, ça, ici, ça commence. Moi, je me ferais bien une petite sieste d'une heure avant de partir. Si ça commence à minuit, autant y aller pour 1h ou 2h du matin, quoi. Elle te dit, moi, j'irai. J'apprécie beaucoup cette fête. Vous y allez? Tout à fait. Il y a quelque chose à l'ouverture? À minuit, il faut quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de choses, pas qu'à l'ouverture, il y a beaucoup de choses tout le temps. Il y a des spectacles. Pour l'ouverture, il faut y avoir. Je pense qu'il y a des magiciens qui vont faire. Il y a la guilde des pétaradeurs qui vient pour lancer avec un. Ça s'appelle ça des feux de joie, quoi. Dans le ciel. Ben alors là, je vais venir, je vais pas faire l'assiette. Non, il faut que j'aille voir ça. J'ai besoin de poudre et je pense qu'ils vont pouvoir m'aider. Pour toi. Ah, bah oui, c'est sûr, hein. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Voilà, après, il y a la première procession des prêtres du temple de l'hiver. Et après, voilà, il y a la mise en place de la statue. Il y a une statue en bois qui est faite chaque année. Et les gens viennent déposer des offrandes, en fait. D'accord. Bon, bah, on va y aller quand même. Pour obtenir la bénédiction de la déesse. Et tous les temples font aussi la fête. On y va comment, là, oui. Alors, moi, j'y vais en charrette, par contre. Bah, on peut y aller avec elle. Là, vous ne vous dérangera pas si vous non. Vous accompagnez. Ah non, bien sûr que non. Bon, ben alors, partons comme ça. En plus, je suis bien beau, bien fringant, je sens bon la rose. Plutôt gros repas que petit repas et grosse sieste. Ou gros repas et pas de sieste. À 11h, elle vous dit qu'il faut partir. Quoi. De toute façon, je vais dormir dans la charrette, le temps du travail. Ouais, c'est ça. Moi, repas normal, je me sens pas trop fatigué. Pas trop fatigué, t'as dormi tout le temps du bois, c'est sûr. T'as déjà fait ta sieste, mon bonhomme. Non, mais dans l'ensemble, vous n'êtes pas ultra fatigué, ça va. Vous vous reposez bien chez elle, déjà. Déjà, et puis la bouffe, elle doit bien nous revigorer. Ça vous revigore bien aussi. La bonne nourriture, ça vous revigore bien. Notamment aussi, chaque fois que vous avez mangé de la soupe populaire qu'il a fait Toriko, ça vous a ragaillardi franchement, quoi. À chaque fois. Et ouais, puis moi j'ai mon repas à la forge à chaque fois. Il m'a même payé le repas et tout. Voilà. Et puis bon, faut avouer que. Alors les clous, les fers à cheval, t'as envoyé. Mais non, c'est les clous que t'as fait. C'est les clous que j'ai fait en premier, le matin j'ai fait fer à cheval. Les clous, j'ai vraiment envoyé. Pour tous les fers à cheval, t'as. C'est des trucs répétitifs, tu vois, c'est les premiers trucs que t'as appris. Ouais, donc c'est pas. Je dis pas que c'est pas fatigant, mais c'est pas le plus fatigant de la forge, quoi. Tu t'es plus épuisé justement sur le couteau de Toriko, ouais. Sur la lame que. Voilà. Ok. Non mais ça me va, hein. Après. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Tu as quand même dit que tu viendrais à 4h du mat le lendemain, donc. De toute façon maintenant. Mais là vous vous sentez pas franchement fatigué. Enfin, peut-être un petit peu, mais pas au point de. Je t'ai dit, au pire, je dormirai dans la charrette pendant l'heure de trajet, quoi. Ah, c'est le temps de. Donc voilà, vous vous apprêtez, vous faites vos affaires après le repas. Et à 11h, elle va vous chercher, bon, on y va. Elle a une superbe robe, qui est pareil, entièrement blanche, en soie et avec des ourlets de velours, en fait, tout le tout. Et une capuche qu'elle met. Elle est limite divine sur la charrette, quoi. Comme ça, un petit peu en Amazon sur le siège de la charrette. Elle tient les rênes d'une main, comme ça, et les chevaux avancent tranquille vers la ville. Et elle profite pour regarder, un peu contemplative. Moi, je m'allonge un peu, ouais, pareil. Je m'allonge à la charrette, je regarde les étoiles pour un petit peu. Je m'endors direct. Dès le premier pas du cheval. J'essaye de dormir, mais voilà. C'est compliqué. Cela nous. je suis installé à côté d'elle. Je voulais dormir, mais c'est mort. Cela va nous laisser du temps pour discuter un petit peu pendant que c'est sur le chemin. Oui, j'ai lui donné des gros coups de latte. Tu peux essayer de le réveiller. Non, pas le réveiller, qu'il se tourne pour qu'il arrête de ronfler. Ouais, tu le secoues comme ça. Il tape contre le truc quand il va dormir à la forgeronne. Et donc, vous nous aviez dit que vous n'étiez pas très bien vu dans le village, et là, vous venez à Alors, pendant la célébration, c'est vraiment différent parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. D'ailleurs, ne soyez pas surpris des gens que vous verrez, des races différentes que vous verrez, des couleurs de peau, des tailles. Ne vous arrêtez pas sur ça parce que c'est très hétéroclite pendant cette période. Des gens viennent de. Déjà, la plupart des gens du sud-ouest, du sud-est du continent viennent à cette fête. C'est pour ça que la ville est assez riche d'ailleurs et qu'il y a des très bons artisans. Et en plus de ça, il y a des gens qui viennent du continent entier. Pour assister à cette fête. Pour assister à cette fête, enfin, surtout généralement pour représenter ou pour vendre des choses, pour le commerce. Elle est très réputée sur le continent entier. Ça veut dire que demain, le concours d'ailleurs, de tir à l'arc sera très. Par exemple, mon ami Phil qui viendra au repas, l'arctier. Il fabrique des flèches qui sont vendues sur le continent entier. Le bûcheron chez qui je vous ai envoyé taille des pièces en bois, l'ancien bûcheron. Il taille des pièces en bois et il en fait don à tous les temples. Par exemple, tous les temples dans pas que Yankos. Il faudra que tous les temples du continent. Il est réputé pour ça. Remercier au nom de Noventa. Tout à fait, tout à fait. C'est lui qui a fait. Vous pouvez aller visiter vous visiterez les temples. C'est lui qui fournit toutes les statues en bois. Il fait pas la peinture, mais il fait toutes les statues. Il est très très pieux. C'est un homme très pieux. La renommée du gagnant des tirs à l'arc de demain ne sera donc pas. Le titre d'archer émérite de la 546e nuit de l'hiver. Oui, c'est reconnu dans le continent entier, voire même dans le monde, je pense. Ah. Pour la gloire de mon DLS, je me dois de gagner cette. Il y a des règles à respecter, mais c'est très intéressant. Et il y a un très haut niveau. Il y a des gens qui viennent aussi du continent entier, rien que pour ça. Vous pouvez parler un peu plus de ces règles ? Tout à fait. Déjà, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre arc et vos flèches. Tous les arcs et les flèches sont fournis par Phil. Celui qui fait. Ah, ça c'est dommage. Il m'avait fait une sacrée flèche, notre petit. Le duc estime qu'il vaut mieux célébrer le talent de l'archer plutôt que le talent de l'arc, la qualité de l'arc ou la qualité de la flèche. Et c'est trop facile de tricher alors qu'on a un plus facile contrôle et tout le monde est au même niveau en fait. L'archer émérite de la 545e année n'a pas le droit de participer. Bien. Et les récompenses sont toujours très élevées. Oui, en fait, très ça, c'est pas la récompense. Déjà, rien qu'avec le titre même d'archer émérite, vous pouvez être embauché dans toutes les maisons d'armes du continent. Pour des cours particuliers. Ce qui m'intéresse à moi, c'est que cela va certainement délier certaines. En regardant les étoiles, non, je pourrais peut-être mieux enquêter sur ce qui me préoccupe vraiment. Alors, vous savez, il y a beaucoup de monde qui vient de partout, des gens qui ne connaissent pas forcément Yankos. Peut-être que s'il y a des gens qui viennent de vers les forêts de Vannes. J'imagine bien ma gueule avec. Pas forcément. Je ne serai pas là pour enquêter pendant les festivités. Je vais me concentrer sur partager les festivités. Mais à moins le titre d'archer, tu sais pas. Dès que tu touches, très utile à la maquette. Cache pas mes outils. C'est surtout très glorifiant et grisant pour soi-même. Je ferais peut-être mieux de rentrer me coucher pour être en forme. Sur ce, il reste un silence. Ça ne commence qu'en début d'après-midi, donc vous avez le temps. Il sera toujours temps de rentrer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais réfléchir. En plus, j'ai dit une heure, mais c'est une heure à pied et c'est une demi-heure en charge. Oui. Donc. À peine vous avez fait cette discussion, qu'on est arrivé. Ça fait genre. Non, c'est pas que vous arrivez, mais ça fait. Ouais. Attends, il y a un truc à faire, t'es obligé de lancer l'idée. T'es obligé. Pourtant, je me suis assise sur son ventre en tailleur, enfin, qui ronflait, j'arrivais pas à la faire arrêter de ronfler, du coup, je me suis calée en tailleur sur son guide, avec le ronflement. Bah, c'est pile poil au moment où vous êtes encore à 10 minutes d'un quart de la ville, et là, ça pétarade à côté de vous. Genre, un peu comme des pétards ici, en fait. Mitraillette. Et vous voyez un attroupement d'enfants avec un vieux monsieur et un bâton qui vient de jeter, en fait, des espèces de pétards au sol et qui fait rigoler les enfants, enfin, qui chahute avec les enfants. Ça te réveille un petit peu d'un coup, quand même, parce que... Is, regarde. C'est quoi ce bruit, là? Regarde. C'est pas moi, ça. Je me fais éjecter comme une grosse merde de son lit, là. Non, pas forcément. Tu vois qu'elle est assise sur toi, en fait, tu t'en rends compte... Il est pas très très costaud donc il est un petit peu coincé. Qu'est-ce qui se passe? Il se réveille un petit peu en sursaut. Ouais, non, laisse-moi dormir. J'ai eu des pétards. Laisse-moi dormir. Non, il y avait. Et Diane rigole en fait. Un petit rire cristallin. Et vous arrivez, et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des tentes sur tout l'extérieur de la ville. Ah bon, je l'ai mis là. Donc, ouais, vous pouvez faire le campement des... Tu peux laisser au milieu, je pense que vous avez lieu sur trop haut, et pour moi aussi. Ici, là. Ouais, tout ça, il y a le campement des Romani, là, à la limite des champs. Et déjà, quand vous arrivez par cette route, tout là, il y a des... Partout où il n'y a pas de champs, où c'est de la plaine, en fait, il y a des tentes, il y a des... Vous voyez des cages avec des ours dedans, enfin, il y a une cage avec un ours, il y a des... Vous avez jamais vu, mais des chevaux avec des bosses, hein, tu vois. Il y a des gens qui jonglent, il y a des roulottes de toutes les couleurs. C'est déjà bien agité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'agitation. Vous avez déjà vu dans la ville qu'il y avait des fanions, etc. Mais là, au niveau décoration, ils ont fini de poutrer ces verres. Quand vous rentrez dans la ville, déjà, il y a deux grosses statues de... Réveille-toi, on arrive, deux grosses statues, deux statues en bois immenses. Celle de droite, c'est une femme qui ressemble vachement à Yann, d'ailleurs. Sauf qu'elle n'est pas elle, elle est humaine. Habillée d'une robe blanche, à l'air de flotter au vent. Et de l'autre côté, c'est... Clairement, c'est une déesse, mais avec un visage un peu froid, un peu... C'est la déesse de l'hiver, vous pouvez vous en douter. Quoi. Visage un peu froid, robe très simple. Pourquoi tu vas pas réveiller? Pas du tout plantureuse, assez... plutôt guerrière comme profil. Ça fait 3 minutes, 3 heures, j'essaie de réveiller. 3 heures, ça fait déjà 3 heures. La résonance, malgré la différence de rang, c'est frappante entre vous. Il fallait me réveiller avant. C'est n'importe quoi. La souris, on me le dit souvent. Fallait me réveiller avant. Je suis une... J'ai peut-être coupé des trucs. La dame blanche est une humaine. Il y avait un mec qui balançait des pétards et c'est tout. Quoi, tu vas pas réveiller à ce moment-là? J'aurais pu... Vous ne connaissez pas la dame blanche? C'est super pratique. Non, c'est la... C'est la championne de la déesse de l'hiver. En fait, la légende raconte que c'est une femme qui est morte le dernier jour de l'hiver, de faim. Elle a été prise en pitié par la déesse de l'hiver, qui l'a fait apparaître aux gens pour les aider quand ils sont en difficulté, au plus cœur de l'hiver, au plus sombre de l'hiver, ou quand ils ont très froid. Enfin, plutôt que de mourir de froid, la dame blanche va vous apparaître. Il y a plein de gens, d'ailleurs, en ville, qui racontent l'avoir vu, mais bon, démêler le vrai du faux est très compliqué, vous savez. De quoi vous parlez? Ça, ne me le dites pas. La recherche de la vérité est une quête constante. Ah oui, t'es sûr. J'étais juste en train de demander à Dame Eliane pourquoi je lui faisais remarquer la ressemblance qu'elle avait avec la dame blanche. On a noté la discussion ou pas encore? Non, on l'a pas noté. On a pas noté les plus. Quoi? Parce qu'en fait, il a rajouté des talents. Ouais, parce que je voudrais que tu me fasses un jet de discussion. Donc. Discussion, alors c'est... Ouais. Alors, en dessous, on rajoute discussion, enquête, suspicion. Toi, t'as peut-être déjà enquête, Zor? Oui, mais je sais pas combien. Discussion, enquête, suspicion. Discussion, vous me faites 6e plus charisme. Enquête, plus... C'est bon? Suspicion. Discussion, enquête, suspicion. Dans l'ordre que vous voulez. Oui, oui. C'est bon? Ouais. Alors. C'est bon pour tout le monde? Discussion, 6e plus charisme. 6e sens plus charisme. Enquête, intelligence plus charisme. Bon, ça sera 20. Mais avec un point d'interrogation. Suspicion, enquête plus détection. Enquête plus détection. Ça, c'est spécialement pour vous parce qu'il faut que je le rectifie sur de base. Ça fait 105. Oui. C'est le discrétion de base. Là, vous faites-le sur le discrétion de maintenant. Moi, j'ai déjà 80 en. Sur le détection. Hein. En détection. Suspicion, c'est détection. Et sinon, attends, enquête, ça fait 105. Hein. On peut mettre suspicion 4 en fait. Non, on peut faire ça. Mettez votre score et mettez suspicion 4. Oui, t'enflamme pas, c'est suspicion pour le fait qu'ils trouvent des objets qu'ils ont perdus pendant un jour sur leur lit, à côté. D'accord. Non, moi j'ai, c'est ça, j'ai 100. Je le retoucherai pour le... Oui, toi tu sais. Bah, suspicion sur toi, oui, t'as 100, tu le sais que tu voles. Tu m'as dit c'est détection. Oui, c'est moi qui ai peur. Enquête plus détection. Ouais. C'est ça. C'est bon, vous avez tout noté? Détection. Tu peux me faire un jet de discussion, Zorgus, avec... Plus 10, parce que tu as quand même pas mal discuté la dernière fois. Même si c'était plus de l'enquête la dernière fois. Il y en a juste au-dessus. Ah, oui. Tu viens de noter. 34, 23. Non, ça passe pas. Alors tu m'as jeté déjà des 8. Ah oui. Bon, je recommence. Je vais garder ton 3 en. Sinon, recommence le. Non, mais vas-y, recommence. Bah non, mais... 3. 0, 0, 3. quelle était la question déjà? Ouais, non, t'as la discussion. T'as la discussion super grave. Donc, elle te dit, si je peux vous donner un conseil, Donc il y a la Dame Blanche, je vous l'ai expliqué à table, qui est mise au milieu du, de la place des temples pour, être, voilà, pour être brûlée le dernier jour, enfin à minuit le dernier jour de la célébration. Je vous conseille de faire une offrande, et une offrande toute particulière que la Dame Blanche apprécie beaucoup. Vous l'entendez pas forcément, hein, vous faisiez du RP, on est d'accord? Ouais, on est sur le RP. Et pour ça, il faut ramener une fleur spéciale. Oui. Et donc, cette fleur? Alors, je sais pas plus, mais je peux vous envoyer vers la personne qui en sait beaucoup plus, qui est l'apothicaire de la ville. Il cherche justement des gens... C'est une information utile. Merci. Rendre un hommage, faire la bonne offrande à la bonne personne, à la bonne déesse, au bon Dieu, c'est important. Les dieux et les déesses apprécient toujours les offrandes. Et mes outils, j'y prends très soin. L'apothicaire. C'est ça. L'apothicaire, oui. T'as pas que les outils. Les trucs, je pense que t'en as un peu là. Au pire des cas, il viendra en repas. Mais ça vous laissera qu'un jour et demi pour... pour trouver la fleur, ça peut être peut-être un peu juste quoi, pour avant de faire l'offrande. Faire l'offrande avant que la statue soit brûlée, bien sûr. Les offrandes sont brûlées. Dans ce cas-là, moi je suis tranquille, je me réveille, je dis Je suis en train de me tirer la barbe pour me réveiller. Attends, j'essaye de retrouver le nom de ma déesse des, de l'hiver, mais c'est déesse du froid et de la neige en fait, c'est Onuma. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je ne sais même pas qui c'est. À part la déesse des artisans. Il est magique. Ce pétard là, il est magique. Ça fait deux fois que j'ai l'impression de l'avoir fait tourner. Je sais pas. Du coup, moi je sors ma pipe de mon sac. Ok. J'ai mis un peu de tabac. Ok. Et je... C'est tabac de quoi que t'as acheté? C'est du tabac de nain, de mon village. Ah, d'accord, ok. T'as combien de. J'ai 4 blagues à tabac. T'as 4 blagues à tabac? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. T'es sérieux? Ouais. Je t'ai laissé passer ça. Ouais, putain, le gros fumeur. Tu l'as jamais sorti pendant 3 jours. Non, c'est la première fois. Bah oui, je suis tranquille là. Mais non, tu vois, j'ai le temps. En même temps, il est parti en. Tu lui as dit qu'il avait ordonné tout ça, mais tu lui as dit que ça, c'est pour ça qu'il aurait moins de trucs sur un autre côté. Oui, non, bien sûr, ça, j'ai équilibré, mais ouais, ça me surprend encore. Bah, mais t'as 15. J'avais dû te le dire, t'as 15 pipes par blague à tabac. C'est ça? Exactement, j'ai... Donc tu décomptes sur 60, t'en as 59. 59. Et t'as... qui c'est qui avait acheté du tabac d'Yankos? Personne n'a acheté du tabac du coup? Non, c'était quand on a fait avec Ethan, c'est moi qui ai acheté. Ah, mais si, c'est. Non. Si, si, Toriko, il en a acheté. Toriko, il en a acheté. Ouais, parce ah ouais pour fumer les. Parce que... Pour fumer le front. Ah oui, c'était la viande. C'est la viande. Pour fumer, c'était pour fumer la viande. Ouais, enfin, pour fumer la viande. C'était en cuisine. Moi, j'en profite pour monter sur ses épaules pour essayer de voir un peu plus haut, même si je ne vois pas beaucoup plus haut. Tu pèses combien? Je fais 35 kilos. Et tu pèses combien? Bah, 70, mais j'ai tout mon 30 sac. Kilos. Quoi, tout mon 30 kilos. 40 kilos. Quand t'as tous tes outils et tout? Je fais 30 kilos. Ah, ouais, tu comptes enchaîner chez le forgeron direct derrière? Bah, attends, derrière, bah oui, je suis pas chaud. Attends, vous avez pris quoi du coup avec vous? Parce que oui, il y a une question. Moi, j'ai mon sac, mais j'ai pas grand chose dans mon sac, donc j'ai toujours mon sac avec mon truc cri dans le dos, c'est tout. Ok. Moi, je suis comme d'hab avec ma tenue, mon arc, mes flèches. D'accord. Okay. Il n'y a plus qu'à du bordel. Moi, j'ai mon bordel. C'est pour ça que je t'ai dit, je dors sur mon sac et ma clé anglaise, elle est dans ma clé. D'accord, j'ai essayé de lui prendre sa clé pour la mettre dans la bouche. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait pu jeter à la dé, parce que je dis, touche pas mes outils. Si tu touches mes outils, je te coupe tes deux mains. Je réécouterai ça sur la roche. Donc du coup, ouais, j'allume ma pipe tranquillou. Je regarde toutes les lumières. Ben, en fait, déjà au bout de 25 minutes, enfin déjà c'est plus galère que d'habitude pour y rentrer. Il y a vraiment énormément de monde, même sur la route et tout. Et il y a un endroit pour parquer les chevaux, les charrettes et tout ça, machin, à l'entrée de la ville, parce qu'il y a tellement de monde à pied que c'est un peu genre feria ici. Normalement, on se bouscule et tout. Tu t'embrouilles dans la charrette, tu vois, qu'il est au moment où il allume sa pipe avant qu'on descende. Voilà, si tu lui montes dessus, si tu te laisses monter dessus, il faut que tu me fasses un jet de force pour la porter quand même. Même si elle fait que 35 kilos. Je me laisse pas passer. 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. Il faut que tu te laisses. Dégage, putain. Tu veux essayer de te mettre pipole. Je veux juste essayer de voir. Tu veux monter à tout prix ou pas? Bah, je lui demande. Est-ce que tu veux monter à tout prix sur ses épaules? Bah, j'essaie, oui. Agilité. Contre force. Si toi tu veux la dégager. Ou si tu veux la supporter. Voilà, dégagé. C'est un débat. Ok. Là, c'est débat. Mais c'est où, agilité? C'est les, c'est les caractéristiques. 29. Ah, dextérité. Ouais, dextérité, pardon. Oula. Ça passe pas. Ouais, mais du coup, tu veux lui sauter dessus, mais tu glisses à moitié, puis il fait ah, dégage, on se rend du mauvais côté. Mais non, mais redégage, putain. Allez, arrête, quoi. Et Diane, elle vous dit bon, mais maintenant il faut y aller à pied. T'es pas drôle. Donc, Putain, tu fais chier à la fin, je suis pas un escalade. Moi, je vais repartir d'ici 3-4 heures, je vais regarder les premières célébrations. Plus, de je vais putain, repartir vers. Je peux dormir sur si vous voulez repartir avec moi, je dors, je repars entre 3h30-4h du matin. Très bien, mais nous ne vous voyons pas au repas. C'est le repas est dans. Demain. Vous avez déjà oublié, maître Alistair, futur archer émérite du 15e. Je suis trop focalisé sur le fait que le tournoi est demain, début d'après-midi. J'ai bien l'impression. Heureusement que votre discussion est très intéressante. Vous m'avez fait passer ce voyage agréablement. Je dois avouer que si je pouvais arriver à trouver l'apothicaire ce soir, cela serait peut-être pas une mauvaise idée. Et sur ce, l'apothicaire, il va vendre comme jamais. Vous passez devant son échoppe. Enfin, vous l'avez déjà vu, ça je vous dis à chaque fois, vous l'avez déjà vu avant, je n'ai peut-être pas rappelé, mais les mecs installaient des étals en fait devant leur boutique directement. Ouais. Donc voilà. Ce soir, il y a une activité très bien. Tout à fait, là, tous les vendeurs de la ville, tous les artisans de la ville vendent à tout. Ils prennent pas comme drogue, s'ils dorment pas, les mecs. Et donc, tout à coup, calcula. Le tabac de Yonko, c'est légèrement euphorisant. C'est vrai que certains disent que fumer du tabac de Yonko fait vivre plus longtemps. Ah, ça m'intéresse bien. Il est où ce tabac là? C'est l'apothicaire. C'est l'apothicaire qui fait le tabac de Yonkos. Et il est réputé sur le continent entier. Ok. Il paraît même que dans les régions désertiques de l'ouest du continent, il achèterait 10 pièces d'or son tabac. J'aurais jamais le temps d'arriver là-bas, j'aurais tout fumé avant. T'as vu sortir tes blagues à tabac, sélectionner machin? Je pense que vous avez l'habitude de faire des provisions, Amina. Il est vrai. L'apothicaire viendra au repas que j'ai fait. Ah, bon, alors, c'est rien de... Vous pouvez le rencontrer. Allons voir, Mais passez quand même le voir avant, si vous voulez qu'il vous ramène du tabac, par exemple. Ou voir avec. Oui, oui. Ce soir, je vais profiter pour voir les pétards. Il aura certainement du... Parce qu'il est très grand amateur de tabac, donc il aura certainement du tabac à fumer lui aussi. Ah, nous pouvons faire l'échange de tabac. Ah. Donc, pendant que vous discutez, je suis descendu et je vous avais regardé, voilà... vas-y, petite Grimpe, j'ai besoin d'une femme pour une histoire de fleurs. Quoi? Tu voulais pas un cheval? Ok, bon, je monte dessus. Je cherche papa à comprendre son histoire. Ça passe. Ouais, ça passe, non, tranquille. Si tous les deux sont consentants, ça va. D'accord. Sur ses épaules, tranquille. Hop, je me dirige vers l'apothicaire. Ok, l'apothicaire, bah alors tu rentres dans la ville. Tu rentres par dans l'accès nord. Ouais. Et c'est déjà la cohue, tu vois, pour passer rien que les portes déjà, même à l'extérieur de la ville déjà, vous suivez tous ensemble ou pas du tout? Moi je vais direction les pétards à l'heure. Hein. Enfin, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si t'as entendu la fin de la conversation, Damélian est parti. Ouais. Et quand vous la voyez partir, déjà d'une part elle a l'air de flotter, elle est vraiment à son aise, quoi. Et comme si la foule s'écartait devant elle et se refermait derrière elle. Ok. C'est vraiment... elle flotte dans la foule, quoi. Vous passez derrière, enfin. Ah moi je pousse tout le monde. Il y a un espèce de mec de 2m50 qui te pousse comme ça à toi, tu sais. Laisse passer le nain. Toi tu manques de marcher sur un nain plus petit que moi. Un nain humain plus petit que toi, tu vois, qui fait. Eh non mais fais gaffe, tu l'as pris pour un gamin, tu sais. Enfin, tu manques de le bousculer. Ah bah moi je suis une boule, tu sais, c'est 1m70 avec un gros sac à l'arrière. Et passe devant nous, passe devant nous. Vous pouvez vous suivre sans vous perdre. Mais c'est quand même la mode un petit peu, vous nagez quoi. Tu vas aller où le nain? Moi, ça s'agit de partout quoi. Il y a des gens qui dansent au milieu de la rue, il y a des gens qui chantent au milieu de la rue, des gens qui boivent, il y a des gens qui boivent. C'est pour ça que t'es sur mes épaules. Tout le monde a sa petite chope en bois. Je mettrai une musique un peu plus. Mais il est où l'apothicaire? Il est juste là à l'entrée, mais je le vois pas moi. Mais Je sais même pas où ils sont les pétards. Mais viens avec nous, t'es juste derrière nous. Il va juste s'arrêter à l'apothicaire. Ah ouais, mais l'apothicaire, je vais le voir demain. Ça sert à rien, je me fâche. Mais lui, il veut y aller, donc. J'ai pas perdu du temps à aller voir l'apothicaire. Il va te dire où sont les pétards. Réfléchis. Au pire, on se lâche pas. Je me suis et après je vais voir les pétards. Si on se lâche, on se perd. Je suis pas la discussion, je me casse. D'un temps en temps, vous entendez des. Vous voyez des flammes. Genre un petit dragon de feu. Il y a des gens qui crachent du feu. Il y a un mec avec un ours, l'ours il est sur un petit socle comme ça en bois, en train de tourner sur une patte comme ça. Et il y a le mec à côté, juste avec un sifflet. C'est assez fou quoi, c'est vraiment la... Ouais, c'est... c'est joyeux, quoi. Il y a de l'agitation vraiment partout. Partout, il y a des petits stands où ils vendent de la bouffe, de la boisson, de... Voilà. Des gens assez différents. Et bon, voilà, comme je disais, c'est pas au point de vous perdre. Vous pouvez vous suivre si vous restez concentrés les uns sur les autres, que vous avez des buts bien distincts. Mais c'est un petit peu quand même comme nager, quoi. Est-ce que de là où je suis, j'en vois l'apothicaire ? Vous y arrivez. Vous y arrivez, vous passez, c'est dans la grande rue. Vous y passez, l'apothicaire, elle est juste là. C'est le bâtiment. Enfin, c'est le... Non. Entre les deux ? Non, c'est le petit, ouais. Tout fin, quoi. Entre les deux. C'est quoi, c'est la guilde des pétardeurs, hein, c'est ça ? Tu as noté ou pas ? C'est vrai, l'énergie, je sais pas. Elle t'a dit, ouais, elle t'a dit la guilde des pétardeurs de Dolly Lamp, si tu veux tout savoir. C'était bien la guilde des pétardeurs. Tout à fait. Je suis gentil, mais il faut prendre des notes. Ou vous aurez à défaut le son, si on a bien géré. Quoi. Le son qui est là, d'ailleurs. Là, là, là. Stop, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde, c'est là, c'est là, c'est là. C'est bon, tu descends un peu, là. Oui. Quand vous arrivez devant chez Apothicaire, donc c'est un... Est-ce que je vais une image pour sortir les notes, déjà. Une feuille à part, tout ça. Sauf que l'Oliland, je sais pas du tout comment ça s'écrit. Donc l'enseigne, c'est l'herbe folle. Il y a un trèfle, il y a une grosse enseigne en bois avec un trèfle à quatre feuilles. Et c'est un nain. C'est un nain. Ouais. C'est un nain qui vend. C'est un nain à la petite carte. Ok. Il est assez vieux. Il est vêtu d'une bure qui paraît aussi vieille que lui. Il porte une cotte de maille d'argent par-dessus et une large ceinture en cuir. Il a une boucle d'argent où sont attachées quantité de bourses contenant différentes herbes. Il porte de petites lunettes rondes cerclées d'argent qui grossissent étrangement ses yeux. De loin, il vous paraît un petit peu bourru. Et quand vous arrivez devant son étal, donc il a derrière son étal, il a une espèce de banc et il marche dessus en fait. Il y a toutes ces herbes en exposition, etc. Machin. Il a pas mal, il a un gros rack aussi derrière lui. Et devant chez lui, il y a la queue. Il y a au moins, pas j'ai de chance, mais une main innocente qui me lance un des 20. D'accord. Combien ? 18 personnes. Il y a 18 personnes en haut. Il y a une queue de 18 personnes. Ok, bah je tape le premier mec qui est devant. Là. Je dis, hey mec, tu sais pas où est la guilde des pétardeurs de l'Oliande hein? La guilde des. Il te regarde. Alors, on peut faire un truc, vas-y, jette-moi tous tes dés. Tous mes dés. Ouais. Jette-moi tous tes dés. Ouais, c'est quoi, Maxime? Il y a un 4, c'est le D4. Un 6 pour le D6. Le D100, j'ai. 0. J'ai 0. Le D20, j'ai 4. Enfin, le D10, non. J'ai 4. Et D20, t'as 17. Voilà. Et sur le D8, t'as 2. 2. Et sur le D6, j'ai 6. De quoi noter. Alors, D4, t'as combien? D4, 4. Sexe masculin. D6. Des 6. Alors, des 6. 6. Ouais. Ok. Ça paraît être quelqu'un de pas plutôt commun, mais assez pauvre. Hein. Enfin, voilà. Des 8. 2. 2. 2. Ok. Il est habillé en prêtre, avec des vêtements un peu pauvres, quoi. Des 12. Il n'y en a pas. Sérieux ? Attends. Ok. Attends. Il est où ? Non, peut-être qu'il n'y a pas de D12 en fait dans le set. Je me suis trompé. Non, j'ai un D8. Moi, si, j'ai un D12. Ouais, il y a un D12, ouais. Il l'a pas lu. Ah oui, excuse-moi. 5. Ils sont lourds, c'est vrai, quoi. C'est bizarre. Ouais, j'avoue. Attends, D12. Faut que je le retrouve. Il est là. T'as fait combien ? Sur quoi ? Sur le D12 ? 5. 5, oui, d'accord, ok. C'est un humain. D20 ? 17. 17. Et D100 ? 4. 4. T'as 0, 0, 4. Ok, ok. Ouais, ben. 0, 0, 4, attends. Mais t'avais demandé de les 10 et il t'a déjà dit 4. Ben, c'est un vieil homme, entre deux âges. Assez. La peau tombante, en fait. Un peu décharnée. Et qui paraît réellement pauvre. Et habillé avec une bure de prêtre. Et un petit bâton à la main, genre. Petit bâton de bois. Il fait oui, que voulez-vous ? J'aimerais savoir où est la guilde des pétaradeurs de Loliland. La guilde des pétaradeurs de Loliland, la guilde des pétaradeurs, c'est à Doliland, c'est la capitale d'Europe. Ouais. Et il faut aller bien au nord, mon petit gars. Et ils sont pas là ce soir à faire des. Ah, si, si, ils vont faire un spectacle, mais ils sont installés dans le champ au sud de la ville. Là. Ah, ils sont dans le champ au sud de la ville. Il y a un champ qui est réservé exprès pour eux, qui n'est pas labouré justement. Et, ok, très bien. Merci. Voilà. Mais vous pourrez pas. Vous voulez aller voir pour. Oh, pour quelques petits renseignements. J'aimerais. Parce que là, ils sont en train d'installer pour le. Justement, c'est toujours très intéressant d'observer. Tu veux justement pour observer et voir. D'accord. Voilà. Il va aller chercher. J'ai envie de vous dire, dépêchez-vous, parce que le temps que vous y arrivez, ça risque de commencer. Quoi. Après, c'est visible de partout. Mais... Oui, mais si ça vous voir, mais je pense qu'ils seront occupés. C'est pas grave, je pourrais observer sans leur parler. Okay. Tu vas aller te faire envoyer bouler. Bon, attends, c'est l'apothicaire, c'est un nain, tu es un nain. Attends, t'as vu le nombre de personnes qu'il y a, il n'y en a plus que sur Non, mais essaye juste, dis, j'ai pas envie d'attendre 18 personnes, j'ai rien à lui acheter, je veux juste une information. Demande-lui quelle est. Mais tu attends. Non, mais moi, tu repasses plus tard. Mais entre nains, tu peux bien nous faire passer là. On verra demain. C'est pas un nain la personne qui parle, c'est un humain, c'est un. Non, il parle de l'apothicaire. Il essaie d'argumenter pour pas que je me. Ah, vous voulez passer devant moi en fait. Non, je voulais juste demander une information à notre cher ami apothicaire. D'accord. Car j'ai appris que la dame blanche appréciait énormément les offrandes à base d'une fleur un peu spéciale. Alors c'est la statue de la déesse de la nuit, pas de la dame blanche. À chaque fois, il y a eu plusieurs. Mais qui est au centre, qui est brûlée au centre de la place du temple le dernier jour de la célébration. Vous êtes sûr de tout Tout à fait, je viens rien que pour ça. Je suis prêtre, je viens ici pour faire mon offrande. Par contre, je ne suis pas au courant de cette histoire de fleurs. Un de vous. J'ai ramené de la. J'ai quand même pas mal confiance en la personne qui m'a dit autre. Vous êtes en train de me mentir. Absolument pas. On va se barrer avant qu'il fasse le tour. Oh putain. Tu peux le tester si tu veux. Bon, bah, écoute. Tu décomptes tes points de magie. Ça a l'air sympa. Bon, bah alors moi je pousse tout. Mais tu peux faire un jet de psychologie déjà. Mais je suis 5 de force, hein, je vais pas pousser moi. Pour pas te perdre. Psychologie, t'as 9. Psychologie facile, plus 30. Il a l'air. 34, heureusement que tu me les as mis. Non, clairement il ment pas. Il te dit. Enfin, il est sûr de lui, il te ment pas quoi. Il a pas l'air de te mentir. Il n'a pas l'attitude d'inventeur. Que toi aussi. Comme il te parle. Donc, pour vous, c'est. Non, mais vraiment, Eliane, pour souvenir, ouais, si je sais que ton perso n'est pas super intelligent, Eliane, t'avais vraiment dit la dame. Pas la dame blanche, t'avais vraiment dit la déesse de la nuit. C'est juste qu'il y avait des statues à droite, la dame blanche, et à gauche, la déesse de la nuit. Elle t'a dit, après, on fait une statue de la déesse de la nuit en bois qui va être brûlée. Et on fait les offrandes là, elle est sur la place des temps. Donc, c'est vraiment la déesse de la nuit. Après, je t'attends toutes les couilles. Ouais, la déesse de l'hiver, excuse-moi. Oui, la déesse de l'hiver. Ah, d'accord. Ouais, enfin, oui. Et donc c'est à la déesse qu'on doit faire. Mais c'est pas, oui, c'est pas la championne quoi. Je suis pas sûr que ça m'arrive avant qu'il ait commencé les feux. Je me suis embrouillé la déesse de l'hiver. T'inquiète. Et donc oui, donc vous savez, en fait c'est moi qui ai certainement mal compris ce que nous disions. Excusez-moi. Avez-vous connaissance de cette fleur? Non. Ah non, c'est voilà, mais bon, passer devant les gens, vous savez, je viens de très loin, hein, j'ai fait une. J'ai fait 71 jours de cheval pour venir jusqu'ici, justement pour acheter certains produits à l'apothicaire, pour voir la guilde des pétardeurs, pour assister à la célébration. Mais je veux pas. Vous savez, ça fait un petit moment que je fais la queue déjà. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de monde là encore. Quand je suis arrivé en milieu de journée, fin de journée, quand je suis arrivé vraiment en fin de journée, il y avait au moins une quarantaine ou cinquantaine de personnes devant moi. Il faut savoir prendre son mal en patience. Eh bien, vous êtes bien patient. J'y suis habitué par mon ordre. Je vais donc patienter derrière vous. Tous les prêtres de la nuit savent attendre que le jour se lève. Ça va. Ça va certainement être... On est parti, nous. On est parti, en fait. Hein. On est déjà... Ouais, non, mais tu... Pas de soucis, je suis déjà parti. Vous êtes attendu plus. Ça fait longtemps ou... Ah, mais dès qu'il a commencé à ouvrir sa bouche... Dès qu'il a commencé, dès qu'il a dit « Vous mentez !» On fait le podcast. D'accord. Tu veux les retrouver ou... Ben, ah ouais, ouais. Apparemment, en plus, je n'ai même plus besoin de... Tu peux faire un jet de détection assez difficile. Moins 20. Si tu veux voir dans quelle direction ils sont partis. Ok. Je n'ai pas senti du tout, c'est normal. Donc, vous ouais. allez où? Alors, moi, on va direction le champ au sud. Attends, parce que... Attends, deux secondes. Toi, t'étais sur ses épaules. Donc, t'as descendu. Non, il m'a descendu. Il m'a fait descendre sur ses épaules à l'entrée dès qu'on arrivait. D'accord, ok. Et du coup, dès qu'il a dit je lui ai dit on se casse, je me suis tenu à son sac. Et ouais, parce que je fais 20 cm de moins qu'elle. Quoi. Ouais, en fait. Je me suis tenu à son sac, elle s'est baissée pour s'accrocher. Et vous allez vers où? Tu vas vers le sud? Vers tu sors sud, vers la ville ouais, ouais, ok. Vers le sud. Je le tiens au sac et je le suis pour qu'il me laisse m'ouvre la marche. Ok, bah, pareil, bousculade, passage, etc. Ça vous prend énormément de temps hein, déjà. Alors. Je peux faire un peu plus de RP. Bordel par la vitesse du marteau qui frappe, je dis ma petite rune de bottes et hop, on commence à accélérer. Ok, je te fais un jet dans les règles pour tes runes, pour tes bottes. Non. Je te fais un jet, donc je te fais un jet pour passer entre les gens, etc. Machin, donc dextérité. Dextérité, hein. Dextérité ou pour faire course et tout, tu risques de cogner et tout, c'est vraiment de l'agilité pure. Là. Faut vraiment être un serpent, un serpent entre les cailloux, tu vois, enfin vraiment un truc de fou quoi. Agilité. Agilité, c'est caractéristique. Ah ouais. Dextérité, pardon. 15. Go. Sur un D20. Sur un D20. Ouais, je peux pas te faire autre chose, quoi. 15 pour 15. Oh. Donc, ouais, tu speed pas mal. T'arrives à passer entre les gens. C'est un petit peu, quand même, enfin... C'est difficile. Je sais pas que... J'ai tapé dans quelques couilles. Hein. Vous gagnez pas beaucoup plus de temps. Mais parce que tu passes un peu, tu reviens en arrière des fois et tout. Mais vous gagnez un petit peu de temps, d'accord? Je vais quand même jouer le RP de la descente du coup. Qu'est-ce que tu fais toi quand ils t'ont planté comme ça? Tu les... à la limite, tu vois, tu crois les reconnaître, tu crois reconnaître l'elfe au moment où elle se baisse et machin. Et puis tu vois, non, mais... et si tu sautes un petit peu comme ça, tu vois la foule qui se fend dans tous les sens. Je me retourne vers le monsieur là. Le prêtre, ouais. Je pense que j'ai un petit souci. Si je ne me trompe pas, vous venez d'indiquer quelque chose à mon ami. Ils ont certainement dû partir vers là-bas. Vous pourriez me dire ce que vous lui avez dit? Il m'a demandé où était la guilde des pétaradeurs. Et vous lui avez dit? Que c'était au sud, dans les... il y a un champ, quand vous descendez la route, en sortant de la ville au sud, il y a un champ qui est réservé pour ça, c'est le seul qui n'est pas labouré dans le coin. Et la guilde des pétaradeurs est en train de préparer le feu d'artifice, le feu de joie qui va péter dans le ciel. Et on en est où de la file, si je regarde en jetant un coup d'œil, on en est où de la... Chance, enfin sixième sens, des vins. Le rouge, ou le blanc. Ah, ouais, le blanc. Bah, pour essayer de voir. 12. T'as combien en sixième sens? En 13. 13. Non, moi, mon dé, toi. La question, c'était, tu m'as dit, tu m'as demandé... Si tu voulais, c'est quoi? C'est combien si les gens ont avancé? Ouais, ouais. T'es, le prêtre se retourne, vous avez fini la discussion. Enfin, quand même pas, mais t'attends 10 minutes et un quart d'heure de plus. T'entends 10 minutes de plus, le prêtre se retourne. Ouais. C'est à lui de passer. Mmh. Et à ce moment-là, vous êtes à... Vous voyez qu'il y a de l'agitation vers le fond, qu'il y a une espèce d'endroit qui est dégagé avec le champ et tout ça, pour pas que les gens y aillent et tout. Et quand vous commencez à arriver, ça commence à partir. Piou! Genre feu d'artifice 14 juillet, un peu standard, de la poudre, des mélanges de poudre, etc. Des couleurs. Il y en a certaines qui entraînent des fils de soie qui tournent derrière. Donc ça virevolte comme ça, c'est vraiment exceptionnel quoi. Enfin, c'est ouf quoi. Si, c'est ouf. Je me tiens à son sac et je regarde pas du tout ce qu'il fait. Petit. Je regarde le ciel, je me tiens toujours à son sac pour pas le perdre, mais je regarde pas du tout ce que je fais. Non, simplement, vous pouvez, de voir ce spectacle, vous pouvez monter de 2 points votre santé mentale. Ah ouais. Ça vous met en joie, ça vous met le bon au cœur. Je ne vais pas le dire mieux, en fait. SM ? Ouais, SM. 2 points max plus, quoi. Enfin, 2 points de plus. Je suis perdu. Donc le prêtre devant toi, il fait... ouais, je vais te prendre 3 teintures de Dejik. Au nain. vendeur, quoi. Là, d'accord. À la boutiquaire. Enfin, genre, il le connaît. Tu veux pas laisser le micro ? Ah, mais au début, il y pense, c'est genre. Ouais, Gloom. Non, d'accord, ok. Dis-moi, il me faudrait, comme d'hab. Ouais, par exemple. Et le nain, il le coupe, il fait 3 teintures de Magic. Oui, je te les apporte de suite, bouge pas. Il se retourne, tac, il va un petit peu sur le côté. Il sort 3 petites fioles, remplies d'un liquide qui est bleu, mais genre. Comme de la glace. Comme si c'était de la glace dans la fiole. Enfin, tu vois que c'est liquide, quoi, mais ça a un bleu très très très pâle, quoi. Ok. Très ouais, cristallin, translucide. Il ramène 3 fioles comme ça, et en échange de sa bure, le prêtre il sort une bourse. Une bonne petite bourse, quand même, bien remplie. C'est pas merveilleux, c'est le feu d'artifice. Et lui donne. Il fait merci. Le temple t'en remercie, l'ordre t'en remercie. Mais de rien, avec toi. Allez, client suivant, ça m'a fait plaisir de te voir. Tu viens me le voir là, quand tu veux. Un peu moins de monde, n'hésite jamais, n'hésite pas à passer. Ils ont l'air de se connaître. D'accord. Moi, je préfère des boules de feu. Monsieur, que puis-je pour vous? Bonjour, je veux dire. Il met la main sur son ventre. Je viens vers vous. Non, mais je suis sûr que je peux faire la même chose avec mes informations, il revient avec eux derrière toi. Avec ta poudre. Oula, j'espère qu'elle va prendre beaucoup de temps. Oui, mais si ça juste perd un bras, c'est pas possible. Est-ce que je vais une plante sacrifiée? Offrir un à la maison. Mais surtout que j'aimerais bien que l'histoire va prendre la tire à l'arc. Attendez, de quoi vous racontez? Vous sortez n'importe où et vous me dites ça. En fait, déjà, je suis tellement content. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Ah, c'est peut-être. Damélian, oui, bien sûr. Ok, c'est Damélian qui vous envoie. Trop lourd. C'est elle qui m'a dit de venir vous voir. Mon petit bébé. Je ne peux pas dire qu'elle m'envoie. Discussion plus 30, 40. T'as combien de discussions? 30. Discussion plus 35, je crois que j'ai entendu. C'était merveilleux. Je t'ai entendu. Ok. Ah, c'est Damélian qui vous envoie, oui, bien sûr. À propos de la plante qu'il faut faire à la messe, écoutez, c'est un petit secret. Est-ce que vous pouvez patienter un peu de... Je vais vous mettre de côté, là, parce que bon... Vous avez du travail. Non, c'est pas ça. C'est une information que je ne confie pas à tout le monde. Tu comprends, mon gars? C'est quelque chose qu'il faut que je garde un peu pour moi. Pas que tu gardes pour toi, écoute, mais bon, que si on évite de le dissiper, il y en aura pour tout le monde. Quand il y a peu de monde, tu comprends? C'est aussi mon fond d'affaires, hein. Moi je travaille dans les herbes et dans les plantes. Je comprends pas vraiment, pourquoi? Mais oui, ils si vous me dites, je garderai le secret. C'est pas grave. Il te fait patienter juste 5 minutes de plus. Ils s'y fait comme ça. Il fait Gian. Hop, t'as une petite naine, enfin une petite fille naine qui arrive, genre... Rampage, quoi. Tu vois, 10 ans ou 12 ans, tu vois, toute jeune. Eh oui, papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est toi qui t'occupes de la boutique. Ok, pendant 10 minutes, je vais discuter, c'est toi qui t'occupes de la boutique. Ok, papa, tu t'occupes de la boutique, ma fille. Je verrai bien. Ok, papa. Et là, ses yeux clignotent à la petite gamine. Elle se met avant, la fille descend. Tu vois, la fille, le temps qu'il revient jusqu'à toi, elle a déjà passé 4 clients. D'accord. Ouais, parce que l'autre t'a porté tout un peu. Oui, alors, dis-moi, oui, pour l'affaire. Et pourquoi t'as envoyé à moi, d'ailleurs, parce que, bon... Je suis prêtre et je voulais offrir la meilleure offrande possible à la déesse de l'hiver. On a eu cette conversation en venant ici et elle a trouvé que j'étais certainement la bonne personne pour... Parce qu'elle m'a dit que ces fleurs étaient difficiles à trouver. Tout à fait. D'ailleurs... Elle ne t'a pas envoyé ici pour rien. Elle est maligne, la petite Elia, elle est maligne. Ah, il est sûr que si je peux en avoir plusieurs, j'en ramènerai une, qu'elle puisse savoir... Écoutez, moi, ce que je propose, c'est que je veux bien te donner le coin, mais par contre, il faut que tu m'en ramènes aussi. Parce que tu vois, c'est grâce à ça que je fais ma potion de soin la plus puissante. Ah, mais j'aimerais bien donc, en avoir une. Écoute, c'est une fleur, ça ressemble comme un lys, blanc, avec des étamines jaunes, et ça pousse toujours par bouquet de 5. D'accord? Attendez. Parce que je veux bien que si tu ramasses, que tu vas jusqu'à là-bas, que tu ramasses un bouquet, que tu me ramènes, je te le donnerai. Il n'a fait la vérité qui l'intéresse. Et je n'en prendrai que 4. Et je te donnerai mon secret. Je te donnerai une fleur et j'en garderai que 4. Avant de commencer à me marchander, si vous voulez que je trouve les fleurs, moi, il faut que je prenne des notes. J'ai bien sûr, bien sûr. Comment est cette fleur? Donc, c'est pas RP parce que tu sais pas écrire, mais... Il rigole en te voyant, il faut que je prenne des notes. Je fais mes notes, vous inquiétez pas, vous comprendrez pas, moi je me comprends. T'inquiète pas, je suis pas lié de la dernière pluie, tu te fais des trucs mémotechniques, je suis pas bête. Voilà, c'est... ça doit être ça. On peut pas être bête et être apothicaire, des apothis bêtes. Si vous le dites. Alors, donc les fleurs, elles sont jaunes, Attends, mais si je te donne mon secret, faut que tu acceptes de me ramener. Écoute, ces fleurs, elles poussent par bouquet de 5, d'accord ? Oui. Si tu, si je te donne mon coin, tu en gardes une pour ton enfant et tu donnes les 4 autres. Non, il faut que j'en garde. Il faut que je puisse en ramener plus. Je peux vous en donner 4, mais il faut que je puisse en ramener plus. Alors écoute, débrouille-toi pour les trouver, ces fleurs, et je vais te dire que tu vas galérer. Et. Non, pas de je ne confie pas mon secret, tout simplement. Ah là là. Ce midi, effectivement. Heureusement que cette gamine, elle est plus avancée que son âge. Tu vois, elle débite. Il n'y a plus de clients derrière. Je suis d'accord. Elle est déjà sur le debout sur le banc, on a pagué les clients. Et une potion de soins, et du baume de Jarina. Qu'est-ce qu'il vous faut, messieurs dames ? Je suis d'accord parce que vous êtes pressé et que je n'ai pas pour habitude de marchander. Je voulais juste en avoir une pour l'offrir à Dame Eliane, qu'elle puisse elle aussi faire l'offrande. Mais si ce n'est pas possible, je vous ramènerai 4 fleurs. Donnez-moi le coin, j'irai chercher ces fleurs. Et puis, donnez-moi un problème, ce monsieur. Deux ? Un jet de marchander. Donc, descend. Excuse-moi. Moi. 80. Il te fait, écoute, c'est une bonne idée. Mais par contre, la fleur, c'est moi qui vais offrir à Dame Eliane. Parce que chaque année, un secret entre nous, c'est ce que je lui apporte au dîner qu'elle nous fait. Ah ! Eh bien, je garderai. Et tu sais quoi ? Dame Eliane, elle ne donne même pas la déesse. Elle en fait autre chose. Et ça, je te laisse le découvrir par toi. J'imagine que tu habites chez lui, si tu la connais bien. Mais je verrai bien ce qu'elle en fait. Tu verras. On va rigoler. Mais j'en aurai une à donner à nos frères aussi. Tu en auras une et tu me ramènes les 4 autres. Pas de souci. Donc, fleur jaune. Ensuite, une fleur blanche. Blanche. Une fleur à corolle blanche. Écoute bien. Fleur à colonne blanche. Écoute. Oh. Non, mais il abandonne. Bouge pas, laisse-moi 5 minutes. Il part, il revient, il te ramène un bouquin. Il y a le dessin d'une fleur. Mais tu peux noter fleur à colonne. Enfin, tu peux noter fleur blanche. Et il te dit, écoute bien ça. C'est une fleur qui ne pousse que dans les déjections d'ours rouge. Ça va être... Et où c'est que je les trouve, ces ours rouges ? C'est ça. Attends, laisse-moi revenir au petit problème, parce que là, encore, c'est gentil. Mais le problème, c'est que les ours rouges, dans le coin, il n'y en a qu'à la montagne rouge. Il y a des cavernes, on l'appelle aussi la caverne aux mille ours, ou la montagne pourpre. Et devant ces cavernes, les ours rouges, ils défèquent pour marquer leur territoire. Ils sont nombreux, les ours rouges ? Un par caverne, quasiment. Non, je dirais pas ça, je vais te faire peur. Les tours de caverne. Tu me sens d'humeur chanceuse ou quoi ? En fait, finalement, s'il y a beaucoup d'ours rouges, j'ai beaucoup de possibilités de trouver beaucoup plus de fleurs. Les fleurs ne poussent pas dans toutes les déjections d'ours rouges. Et sache que le secret s'évente avec le temps et que tu n'es pas le seul à chercher les fleurs. Oui. Donc, elles poussent par bouquet de 5 dans ces déjections. Méfie-toi de l'ours rouge. Ces montagnes, elles sont vers où ? Parce que c'est la deuxième fois que j'entends parler de ces montagnes. Nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest. Tu peux pas te tromper. Tu sors de la ville, en plein jour, tu regardes direction au nord, il y a une petite forêt, tout en bas. Ce qui est vachement pratique. Et puis au loin, avant le... Informations, à l'œil, tu vois le... Tu vois le début de la grande chaîne de montagnes. Avant, tu vois une montagne très haute, et qui a le sommet qui est tout rouge. C'est la montagne rouge. Par contre, pareil, ça monte assez haut, donc il y a un petit peu de neige et tout, équipe-toi avant d'y aller, parce que... Et c'est à peu près une journée de marche pour y aller à pied. D'accord. Mais je vous remercie bien de tous ces... enseignements. Moi, ce qui m'arrange, c'est... Écoute, si tu reviens avant la fin de la célébration... Comme tu veux. Oui. Si tu vas pendant la célébration ou autre... Il faut fonctionner à tout ça. Je te donnerai un petit bonus. Parce que tu sais que ma potion de soin, elle se vend bien. Oui. Elle se vend bien. Je m'approche, quoi. Je suis le seul à faire ça. Je verrai ça sur le moment. L'essentiel, c'est que j'ai ma fleur. Vous savez, je suis un elfe simple. Et merci beaucoup. Très bien, très bien. Je m'en vais, du coup... Quand tu commences à partir, t'as la naine, la gamine, qui t'alpague. Hey, « Eh, monsieur, vous voulez pas... Je le vois à votre visage. Vous voulez forcément quelque chose chez nous. On a de la feuille de lantriste qui vous permet de respirer sous l'eau. On a de la pâte de djinnab. On a quelque chose qui, on a des potions qui permettent. J'aimerais bien t'acheter quelque chose, petite, mais j'ai bien peur d'avoir perdu mon argent. Je pense pas t'intéresser beaucoup. Mais merci beaucoup. Ok, dommage. Mais par contre, cet arc, il est pas mal. Ah, cet arc, il est pas à vendre, par contre. Et votre bandeau ? Votre bandeau, il a été fait par un artisan. Faites-moi voir ça. Mon cache-œil ? Oui, votre cache-œil. Je pense que tu ne veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas. Alors, regarde. Il est précieux ou pas, ton cache-œil ? Non, un truc de merde. Ouais, non. On s'en fout, non, on pas non, ça. Non, même pas. Mais c'est toi qui m'as dit que j'en avais un, alors c'est toi qui décides de. Son père, son père revient, il fait c'est bon, enfin, pendant que tu pars, c'est bon, petite, tu peux gérer le. Enfin, tu peux repartir étudier. Et là, tu la vois, elle fait ok, papa, merci. Elle tape une pipe. Oui, ça va. Elle part en fumant sa pipe. Elle saute. Elle galope. Elle retourne peut-être dans sa chambre. Et voilà, pendant tout ce temps-là, il y a eu le feu d'artifice. Hein. Plus loin, mais tu le vois quand même. Et ça fait des bons gros booms, quoi. Donc voilà. À vous. Vous regardez le feu d'artifice. En fait, on se rapproche, je regarde le poste de mise à feu. En fait, j'essaie de me rapprocher du poste de mise à feu. Détection. Plus 40. La base des feux d'artifice. Ah bah. Heureusement. Combien ? 83, les gars. Détection. Ça passe même pas. Si, si, attends. Détection. Ah bah non, ça passe pas. Ça passe absolument pas. Moi, je peux monter sur tes épaules pour essayer de voir. Ben, faut juste savoir où. Ben, là, on voit quoi. Ah, il y a du monde là, il y a du monde du coup. Il y a de la foule et tu vois d'où ça part. Mais moi j'essaie de pareil de regarder pour essayer de voir parce que on en a parlé quand même. En fait c'est même pas ça, c'est que tu vois d'où ça part, sauf que tu peux pas y accéder parce qu'il y a toujours des gens qui te repoussent, etc. Il y a une truc de sécurité que t'arrives pas à passer en fait. D'accord. Et donc tu peux pas te rapprocher assez. Et comme c'est la nuit, au moment des explosions il y a des éclairs et tu vois en dessous au niveau du pas de tir entre guillemets, enfin t'as des gros racks, c'est sur une vingtaine ou trentaine de mètres de large sur plusieurs rangées tout ça. Et tu vois des mecs habillés en rouge, très petits, très très très petits quoi. Plus petit que toi. D'accord. Genre, enfin, à vue de nez de loin, avec une mauvaise détection, moins d'un mètre, quoi. Et une cape rouge sur eux, quoi. Ils se déplacent avec des petits charbons ardents. Ils allument d'un côté, ils placent des trucs, enfin, ils font leur business, quoi. Du coup, mais tu n'arrives pas à y accéder, t'arrives pas à te rapprocher, quoi. T'es toujours repoussé par la foule qui est massée sur les bords et qui est genre en mode... Bah du coup, on attend et on profite du spectacle. Ok. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais moi, je suis perdu. Non. Donc, je les ai perdus, je suis au milieu de la foule. Il t'a dit, voilà, ils allaient au feu d'artifice, guide des pétarades. De toute façon, j'ai demandé à le mec... Et depuis, avec le temps qui est passé, je me dis que... Dans tous les cas, t'admires quand même le feu d'artifice, parce que tout le monde, plus ou moins, s'arrête. Waouh, il y a des moments, il y a des trucs de fou. Il y a des images de loup, qui est une explosion, ça fait une tête de loup en feu... qui s'éteint comme ouais, ça. Il y a genre une étoile qui part, ça fait d'autres étoiles filantes dans le ciel partout. Ouais, c'est magnifique, ouais. Ça survole même la ville en fait. La zone qui est protégée, c'est la zone de tir, mais après ça vole vraiment partout, quoi. Des oiseaux qui volent comme ça, je prends leurs ailes. En fait, j'ai essayé de me repérer à un endroit assez haut, enfin, le truc s'il y avait un clocher ou quoi, enfin, un truc qui me permette de monter pour regarder, pour voir si j'arrive à les voir. Parce que je suis bête, je crois que j'ai déjà oublié ce que l'autre m'a dit. Et que... Dans la ville, tu veux dire ? Ouais, ben en fait, le truc... Où tu descends déjà au sud, en fait. Le truc le plus haut que t'approches de toi ? Direction sud. Je sais que direction sud, je regarde vers le sud, et mon but, c'est de me mettre perché un peu haut pour essayer de voir, aller voir. Alors là, sans passer vers les temples, c'est-à-dire si tu descends le long de la route sud, ouais. Ici, là, il y a des... comme c'est une palissade en bois qui entoure la ville, c'est quand même un petit peu plus haut, je crois que c'est ouais. 3 mètres, 3 mètres 50. Faut t'as une plateforme à 3 mètres, et c'est là où il y a des gens de la milice qui traînent de temps en temps, enfin, il y a beaucoup de gens de la milice qui traînent, et il y a aussi des gardes, alors pas royaux, mais des gardes très bien habillés, des belles armures, de belles factures, avec des lances, des épées sur le côté, des casques qui ont une tête de faucon, comme ouais. ça, devant, avec les yeux sur les côtés ou là, comme ça. Enfin, des gros yeux ouverts, quoi. Et en armure dorée argentée. Mais ils laissent monter sur le rebord de la palissade, en fait, le tour de guet, quoi. Mm-hmm. Truc de garde, quoi. Ils laissent monter là-dessus pour que les gens observent. Il y a déjà pas mal de gens qui observent. Donc, c'est l'endroit le plus haut que tu vois, là. Sinon, tu vois plus loin qu'il y a des temples qui sont immenses. de déjà escalader les temples, voilà, et puis rien que le temps d'y arriver avec la foule. Je me dirige vers là et j'essaye de voir au sud du village si j'arrive à les voir. C'est de voir un mec qui fait 1m20 et il y en a qui fait 1m40 dans une foule complète. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver le plus haut possible, mais en même temps, vous avez. Ah, le mec qui est tout trop fort. L'œil de faucon. Il est bête. Non, mais l'œil de faucon, s'il faut. Le mec qui te repère. Ah, c'est pas dit, mais ça. De toute façon, c'est jet de détection, mais déjà avant pour monter. C'est de la détection là, c'est pas. Parce que là, ça tient quand même. Du miracle. Si, on fait détection. Ah, mais déjà, il faut que tu escalades. Il faut pas que ça fasse perception, sinon c'est plus facile pour. Non, c'est pas ça, c'est de là. Bah, tu peux faire une perception d'entrée pour essayer de trouver un coin pour passer, pour monter le plus vite possible, etc. Trouver une place entre les gens qui sont déjà massés, entre les gardes et tout. Tout le monde est ébahi quand même devant le feu d'artifice, c'est vraiment le... 54, j'ai 90 en perception. Ok, donc tu trouves une place en haut de ça, tu montes là. Oui, il a même 90. Tu galères quand même un petit peu, il y a des échelles, machin, enfin, c'est quand même la galère pour... Tu es obligé de faire en mode discuter avec les gens, tu sais, leur montrer un peu ton mauvais oeil pour qu'ils se poussent un petit peu. Ouais, un peu en intimidation, c'est une très là, détection, t'as combien en détection? J'ai que 25. 25, et j'ai envie de te dire moins 10, donc vas-y. Ah ouais, il y a foule et tout, tu le vois que pendant les explosions, les visages des gens en fait. Allez l'aider, faut que je les trouve. Je peux pas rester tout seul. 1m40, hein, je vais te dire. 56. Voilà, non, tu vois le joli feu d'artifice, tu vois que sur la route du sud, au loin, il y a toute une procession qui arrive, genre peut-être entre 20 et 50 personnes, tout en blanc, qui porte une statue énorme, tu peux pas la rater, tu vois. Mais bon, vous pouvez pas la rater, là vous êtes. Enfin, toi peut-être pas avec le monde, mais toi tu le vois. Une statue énorme en bois qui représente la déesse de la nuit. Et des prêtres avec des longues. Un peu cuculus lent en fait. C'était bien quoi. Maintenant que je le vois dans la tête. C'est cérémonie espagnole là. Avec ouais, voilà, voilà. Cérémonie espagnole, ouais, plus cool que cuculus lent. Mais bon, non, la déesse de la nuit quoi. Bon, donc, je continue à regarder. En avançant, il jette des fleurs et il psalmodie des espèces de chants en fait religieux. Vous l'entendez quand parce qu'il se rapproche en fait en même temps que le feu d'artifice pour entrer dans la ville. Je vais essayer de trouver. Du coup, tu m'as dit, tu fais. Et pour l'instant, je continue à observer la scène. C'est un passage. Ouais, je suis quand même assez insistant sur si j'arrive à voir quand même le matos et tout, savoir comment ça fonctionne. Là, pour se dégager, si tu veux sortir ou si tu veux avancer, c'est de la force brute. C'est de la force brute là. Il faut forcer. Est-ce que je vois le système de. Non, t'es trop petit. Et il y a trop de gens devant vous qui vous bloquent et tout. Ça passe. 10 sur 11. Tu écartes un peu les gens, vous arrivez au bord, et là vous voyez les, la milice en fait, enfin en gros des paysans armés quoi, avec un petit tabar quoi, qui sont en ligne, touche-touche quoi, enfin touche-main, en ligne comme ça et qui retiennent les gens en fait. Et vous voyez par-dessus leur épaule, tu vois en fait, c'est exactement ce que je t'ai dit en fait, un pas de tir avec des mecs en rouge, et tu vois rien de plus parce que entre eux, entre ceux qui gardent et le pas de tir, tout ça. C'est complètement dégagé, il n'y a plus personne. Demande-leur si on peut passer. Non, mais il faut faire le tour. Non, non, madame, mademoiselle, on ne peut pas passer. Il veut juste des renseignements. Non, mais on va attendre. Les elfes causent toujours des problèmes ici. Non, non, madame, vous ne pouvez pas passer, c'est dangereux, c'est pour votre sécurité et pour leur sécurité aussi, en fait. Et quand est-ce qu'on peut les voir pour discuter avec eux? Ah, mais de toute façon, ils vont faire d'autres tours après dans la ville. Pendant les 3 jours, ils vont en mettre plein les yeux. Vous avez pas entendu des pétards en arrivant ou des feux d'artifice ou des... Vous avez pas un dragon qui vous a foncé dessus? C'est pas ma question. On va aller discuter avec eux parce que mon ami veut savoir comment ils font des feux d'artifice. Non, mais attends, tu prends pas bien. On va arrêter avant que ça soit fini, que ça se dégage un peu, profitons du spectacle. En attendant, ils m'agressent. Mais laisse tomber. Je vous agresse pas, mais vous êtes pas la première groupie à vouloir aller rejoindre. Mais moi, c'est pas pour moi en plus, c'est pour lui. Oui, ben, parle pas très... mon nom, allez, ferme ta gueule, moi je regarde le spectacle. Voilà. Vous avez pas l'air d'accord déjà. Donc voilà, veuillez ne pas dépasser notre ligne. Madame, vous empiétez sur notre espace vital. Ils ont des boucliers quand même derrière. Il y a des mecs avec des boucliers qui peuvent venir en renfort pour en cas d'émeute quoi. Donc on peut dire que pour l'instant on est susceptible d'être remarqué de loin, donc je suis remarqué. Ok, mais vous profitez du spectacle qui dure un bon 20 minutes quand même, 20-25 minutes. Je reste quand même concentré sur la foule pour voir si je les vois pas. Et quand, enfin, même 20 minutes plutôt. Et quand ça se finit, la procession rentre à peine en ville, comme si le timing était parfait. Et les gens commencent à se masser derrière en fait. Et à suivre la procession. Et pour si vous restez devant, les pétaradeurs, enfin en tout cas les mecs en rouge, tout ça, commencent à démonter leurs trucs et tout. Et voilà. Tout le matos, il y a des tonnes de charrettes, etc. Ah ouais, c'est pour ça que je vais y aller à ce moment-là. Ils en ont pour un moment. Et les mecs vous bloquent toujours. Ils, c'est pas grave, il y a quand même moins de monde, je circule, je fais tout le tour, je vais rejoindre le tour. Ok. Du coup, tu contournes, t'essayes de contourner la milice. Bah, je tourne. Ouais, je fais tout le tour, je me rapproche au plus près, quoi, parce que je pouvais pas. Chaque fois que tu tournes, il y a toujours des mecs qui surveillent, en fait, qui, ils ont après l'explosion, ils ont resserré le truc pour qu'ils puissent faire un truc, et pour qu'ils puissent ranger tout ça, machin. Ils ont fait un accès pour les charrettes et tout ça. Il y a beaucoup de gens en milice, il y a accompagné des gardes rouges jusqu'aux charrettes, jusqu'à la base des charrettes. Ouais. Ok, ça te prend un bon moment, du coup. Toi, qu'est-ce que tu fais, tu le suis ou pas? Je vais essayer de passer, sans que la milice me voit, passer d'aller voir les placards rouges. Ok, discrétion moins 50. Sérieux? Ah ouais. Il n'y a plus le feu d'artifice à regarder et tout, les mecs sont super chauds. Non, j'ai fait 40 sur 70. Hop là, petite! Ah, rattrapé par le col. Encore cet elfe, mais le même gars. Encore cet elfe, mais j'y crois pas. Mais sors d'ici, frère. Vous avez pas autre chose à faire que venir envahir notre ville ou quoi, c'est pénible. Allez, dégage de là. Dégage de là, parce que je vais te couper en deux, quoi. T'as son mec à côté qui... Enfin, son mec, son... collègue d'à côté qui... Putain. Tu le vois, il crispe les dents aussi. En mode CRS pas content, un peu débile, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans ton sens? Du coup, de là où je suis, vu que je suis en train d'observer tout ce qui se passe, je vois le corps... Enfin, vu qu'il y a moins de monde, il y a des chances que je puisse les voir. Il me semble. Donc je vais refaire. Ouais, ok. Est-ce que t'as un but, c'est d'arriver à percevoir le truc? Je suis d'accord. Enfin, tu restes en haut, en fait. Tu restes toujours à la hauteur, etc. Tu restes sur le rebord. Oui, je suis resté là. Okay. Mon but, c'était. Le but, c'était d'arriver à les trouver, en fait. Les gens se dégagent. La foule se dégage aussi. Mais si tu les cherches, comme tu dois les chercher encore à moitié un peu dans la foule, c'est quand même une détection. Mais je peux te mettre un plus 20. Je peux te mettre un plus 20. 66, ben non. J'arrive toujours pas où. Même avec le plus 20 Non, parce que détection, j'ai que 25. Donc, Tu auras... Non, mais par contre, ouais, non, fais-moi une perception. Tu peux me faire une perception. Je vais être gentil sur ce coup-là. 83, putain. Sur 90? Ouais. Bah, tu vois. Les deux G sont pas mal. Tu regardes à un moment vers le côté des artificiers, en fait, et tu vois que le cercle de garde qui protège. Il y en a un qui s'arrête et qui chope une elfe, qui la rejette un petit peu en arrière, comme ça on lui parle en mal. Enfin, tu vois qu'il est un petit peu énervé, colérique, et tu le vois pas directement, ouais. Mais tu te dis, ça pourrait être 4. Le peu d'intelligence que t'as, c'est que ça serait bien son genre de se trouver dans ce genre d'ennui, quoi. Mais ça se passe trop loin pour que j'arrive à voir si c'est elle ou pas, en fait. Bon, tu te doutes que c'est elle. Enfin, même fringue et tout ça, même couleur, machin... Les mecs font pas ça dans le noir, ils sont éclairés, il y a des torches et tout ça. Des torches, c'est ça que je voulais dire. Les mecs sont éclairés, donc... Combien de mètres de moi? Ben, le truc, c'est que voilà, il faut que tu descendes, que tu sortes de la ville et que tu ailles. C'est pas si loin en mètres, je veux dire... un petit 152, un petit peu plus quand même. Ouais, c'est pas foutre le feu à la ville, mais 300-400 mètres. Ça va prendre un moment, quoi. Mais, non, mais le problème, c'est que la procession est en train de passer, comme le feu d'artifice a juste arrêté. Et la procession passe en ce moment même dessous, et tous les gens suivent la procession, il y a même devant et tout machin. Tu sais même pas si tu vas pouvoir redescendre de là où t'es sans slammer, quoi. Tu te retrouves tout seul avec juste les gardes et les mecs de la milice, et tu dis, putain, il faudrait presque que je marche sur les gens pour sortir de là. C'est une marée grouillante qui suit la... Enfin, des... Voilà, pas la, des suite, la suite d'une batucada, t'imagines un peu des, pour toi, des centaines, voire des milliers de personnes, quoi. Ouais, donc c'est à 300 mètres de moi. Ouais. Par contre, c'est vrai que de l'autre côté, côté bas de barricade, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui sont ramassés, tu vois, ça fait un goulot, quoi, d'étranglement. Ouais. Mais de l'autre côté de la barricade, tu pourrais passer, contourner. Là, tu pourrais y arriver assez rapidement. Par contre, ouais. Tu pourras pas redescendre par ton chemin d'origine. Quoi. D'accord, mais je peux passer pour aller vers là-bas. Il faut descendre la truc de 3,50 m, ou sauter, ou faire ce que tu veux. C'est ça. Il faut passer au-dessus, en fait. Tu sais, t'as un robot où tu peux te planquer et tirer des flèches pour protéger, là, etc. Machin. De façon simple, j'ai quand même une flèche grappin, je la trappe, j'utilise même pas l'arc, en fait, je l'accroche directement sur le bord de la barricade et je descends avec. Ok. Ça marche. Alors déjà, la flèche grappin. C'est la flèche simple. Ouais, c'est la simple, je sais. pour ça que je me pose la question. Je ne me serais pas posé la question. Tu vas pouvoir qu'il fasse un nœud. Non, c'est qu'elle est fragile. Donc 10% de chance, donc vas-y, elle lance un des 100 et si tu fais plus de 90, elle se décroche pendant l'utilisation, voire elle se brise en fait. 0-0-0. Oh.